assemblage requis. On goûtera un autre produit du tiroir dans la chronique gastronomique Jeep, une grosse pointe dans le reste. Et on va jouer à départager l'actualité des fameuses fake news dans le segment Le vrai, le faux. Bonne chance! Mais... assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce jeudi 1er février 2018. On est à 85 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Ah, qu'on est content d'être là. Ben oui, certainement. Jeudi matin. Ben oui, c'est surtout ça. C'est surtout le fait que c'est jeudi matin. Hein. C'est le jour où on mange à la fin de l'émission. Oui, oui, tout à fait. Entre autres, jour de paye aussi. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'on mange. Moi aussi. Ah, tu sais pas? Ouais, je me rappelle pas, mais je sais que j'ai quelque chose. Tu vois, c'est ça qui est le fun avec toi, Mathieu. Ouais. C'est que quand t'apportes un produit, mettons, tu t'en souviens jamais. Jamais. Je sais par contre, parce que j'ai pensé cette nuit, j'avais amené quelque chose, je crois qu'il est alcoolisé, mais ouais. On pourra pas y goûter aujourd'hui, non. Parce qu'on est le 1er février, c'est exactement. Le mois qui est dédié à ne pas boire. Ouais, et les deux, on participe. Eh oui. Ouais. Alors, pas le choix, on n'a pas le droit. On devrait être bon pour en parler ensemble plus tard, Lise. Ah, ok, oui. Sinon, autour de ça, ta chronique s'en vient aussi. Tania's Gonna Entertain You, de quoi tu nous parles? Je vais continuer sur la lancée d'hier, en fait, qui était un petit peu de parler de nutrition, de nutriments. Mais aujourd'hui, là, spécifiquement... Là, de calories. Mais vous allez voir. Oh! Ouais. Elle était pas dans Mixmania? Non, elle était pas là. Non, elle chante. Non? Non. Autour de ça aussi... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le vrai, le faux, c'est vrai. Eh oui, certainement. On va jouer à ce célèbre jeu des fake news. On a notre buzzer. On a notre effet sonore, notre seul effet sonore, la cloche. Oui, c'est ça. Ding! Peut-être qu'il faudrait qu'on se trouve autre chose aussi. Oui, quand même. Mais bon. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. Ça et plus encore, peut-être des invités, peut-être des chroniqueurs. On verra tout à l'heure. Mais pour l'instant... Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était hier soir ou ce matin ou peu importe quand est-ce que vous recevez votre paye. Des fois, c'est jour de paye. Oui. Pour certains, aujourd'hui. Donc, voici Dani Placard et payez tes billes. Dépression. Vous êtes à l'assemblage requis. Presque. Tu finiras la job demain. Jesus is just alright with me. C'est la même mélodie. Ben oui, vraiment. C'est la même mélodie. Hey boy. Mais ça parle pas de Jésus. Écoute, c'est peut-être la version francophone, on le sait pas. Peut-être. Mais. C'est pas. Danny Placard. Avec payer tes billes. Ah ben non, c'est le moment d'établir une liste sur un sujet plus ou moins précis. Oh. Ah, c'est son foutu palmarès. Sont foutus pas mal, c'est la chronique qu'on établit sur un sujet plus ou moins précis. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe en fin de semaine, Tania? Ben, quand que je le sais, Mathieu? Hé, hey, t'attends rien que ça, hein? Est-ce que t'es prête? Je pense que je vais dire que je suis prête, ouais. Qu'est-ce que tu cuisines? Je sais pas encore. Non? Je sais pas du tout. Je pense que j'ai essayé les fameuses fausses ailes de poulet avec du chou-fleur. Oh! Ouais, intéressant. Je pense que j'ai essayé. T'as une petite tendance vegan on the side, hein? Plus ou moins, c'est juste le désir de vouloir manger plus de légumes. Ouais, ben c'est une très bonne chose. Moyenne. Ouais. Chou-fleur, c'est pas vert par contre, si t'en manges des légumes verts. Ouais, mais je vais quand même chercher mes légumes verts ailleurs. Ouais, c'est ça. Hey, en tout cas, à parenthèse, anecdote qui intéressera personne, ouais. Mais avec ce que j'ai comme problème d'estomac, qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Colon irritable? Ouais. Les légumes crus, ouais. Ça marche pas tant. Fait que les légumes verts, ouais. Les tomates, la salade, comme j'ai mangé hier. Ouais. Ouais. Okay. Donc aujourd'hui, on parle de faits sur le Super Bowl, Talia, t'auras deviné. Hey, ça, j'aime ça. Hey, le Super Bowl. Là, tu me jappes. Je t'amène une trollée de faits pour pouvoir impressionner tes amis au party du Super Bowl. OK, on pourrait quasiment tester si je les sais. Ah, oh, attends un peu, veux-tu t'envoyer la clochette? OK. Parce qu'on a la clochette du le vrai le faux de tout à l'heure. OK, donc, tant qu'à faire, je t'envoie ça, attention. Youpou! OK, donc, tu vas klaxonner si tu le sais, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK, parfait. Donc, petit fait sur le Super Bowl, on parle des grosses parties, des gros matchs des années précédentes. Pour commencer, selon le département américain de l'agriculture, le dimanche du Super Bowl, c'est la deuxième journée de consommation au pays. Il y a seulement... Oh, tu savais ça. C'est vrai. Ouais. Bon, en même temps, tu vas klaxonner si tu le sais, mais je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux que tu le sais. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est vrai. OK, ah, tu veux que je te fasse livrer le faux là-dedans. OK, c'est une bonne idée. Oui, t'as raison. J'avais pas compris le principe. OK. Moi, je te demandais juste de savoir si tu savais le Oui, fait. Mais je sais. OK. Fait que j'y vais avec le vrai le faux. C'est bon. Donc, quelle journée bat le... Du côté des États-Unis? Ouais. Je pense que ça joue entre Noël puis tu sais là, chose là, Black Friday, Thanksgiving. Oui, c'est le Thanksgiving. C'est ça, hein? C'est là. Yeah. Ensuite, une rumeur. Ouais, en même temps, c'est parce qu'ils sont tous vrais, mes faits. Fait que ça marchera pas pantoute. Ouais. Ça marchera okay, pas. OK, je vais klaxonner si je le sais. OK, c'est bon. Okay. Je le pensais. Ouais. Donc, une rumeur persistante nous dit que le système d'égout dans les villes majeures va occasionnellement pas fonctionner pendant la mi-temps du Super Bowl parce qu'il y a un grand volume de gens qui supposément flushent leurs toilettes en même temps, simultanément. Mais ne vous en faites pas, il n'y a aucune preuve pour montrer ça. Donc, en tant que tel, c'est une rumeur, mais qui est probablement pas fondée. OK, je savais pas ça. Ben ouais. Je savais pas ça. Pat! Peyton Manning! Ouais! C'est le seul quart arrière, quarterback, ouais. À avoir gagné un Super Bowl avec deux équipes différentes, les Colts d'Indianapolis en 2007 et les Denver Broncos en 2016. Ding, tu le savais. Je savais! Ah, c'est vraiment le fun de savoir que tu savais ça. Phil Simms a été payé 75 000 $ américains pour crier « I'm going to Disney World! » Ah! Sur le terrain, quelques moments après que les Giants aient gagné le Super Bowl 21, Disney a aussi payé John Elway de Denver le même montant d'argent pour crier la même chose juste au cas où son équipe avait gagné. Donc, dans le même combat, peu importe qui gagnait, quelqu'un allait crier « M'en va à Disney World! » OK, j'étais pas au courant de ça. Les Steelers de Pittsburgh ont le record du plus de victoires au Super Bowl. Ils ont capturé 6 trophées Vince Lombardi. Les San Francisco 49ers, les Dallas Cowboys et les New England Patriots ont chacun gagné 5 prix. C'est eux, puis là, je pense que c'est cette année ou l'année prochaine, ça, le chiffre pourrait changer, là, à cause des Patriots. Oh, voilà, exactement, mais t'as raison. Ensuite, quelle équipe a le plus perdu? Je peux te le poser en question, celui-là. Oh, quelle équipe a le plus perdu? Ouais. Ils ont lâché 5. Au Super Bowl, tu parles. Ouais, ça va toujours être sur le Super Bowl. 5 échecs. C'est pas les Giants? Non, c'est les Denver Broncos. Ah ouais? Ouais, 5. Ben, Moses, défaites. Je savais pas ça. Ouais. Une pétition sur Change.org en 2014 pour que Weird Al Yankovic soit le spectacle de la mi-temps du Super Bowl XLIX, là, je ne saurais même pas trouver c'est quoi le titre, hein, a reçu plus de 100 000 signatures. Ensuite de ça, le plus cher billet pour le Super Bowl 1. Super Bowl 1er qui a été joué le 15 février, janvier, pardon, 1967, coûtait $12 américains. Ça, c'est le billet le plus cher. On est rendu loin de ça, hein? Si on ajuste ça pour l'inflation, c'est l'équivalent d'environ $89 américains aujourd'hui. Et même à ce prix-là, l'événement n'a même pas réussi à vendre tous ses billets. Évidemment, c'est le premier, hein? Ben oui. Si vous pensez acheter des billets pour l'événement de cette année, hein, premièrement, bonne chance, mais vous devriez payer $3200 par billet. C'est incroyable. C'est vraiment cher, là. Tout le monde veut aller le là. Le Super Bowl, là, c'est honnêtement comparable à Thanksgiving dans leur grosse fête. Là. Exactement. En 1980, les Pittsburgh Steelers étaient la première équipe gagnante du Super Bowl à avoir visité la Maison-Blanche. Oui! Ouais, ils ont visité Jimmy Carter dans une cérémonie conjointe avec les Pittsburgh Pirates qui avaient gagné les séries mondiales en 1979. Et si je me souviens bien, c'est l'année passée où les Patriots... J'étais pas certain si vous voulez aller voir Mr. Trump. Ça me rappelle quelque chose, ça. À Jacksonville, en Floride, ils ont accueilli le Super Bowl 39. OK. En 2005. Oui. Ça se peut, ça? 39 en 2005? XXIX. XXIX. 39, non? Ouais, 39. Ouais. Ouais. Bref, c'était en 2005. La ville n'avait pas assez de chambres d'hôtel pour suivre les réglementations de la NFL. Donc... pour réussir à être l'hôte de la grande partie, ils ont dû recruter 5 bateaux de croisière comme hôtel flottant. Ben voyons donc. Je te jure. OK, je n'étais pas au courant de ça. Les fans de sport du Maryland devaient vraiment détester New York en 1969. Le 12 janvier cette année-là, les New York Jets ont battu les Baltimore Colts au Super Bowl 3. 9 mois plus tard, les New York Mets ont réussi à gagner sur les Baltimore Orioles aux séries mondiales de 1969. Ah ouais? Donc 2 matchs de suite de la même équipe. Ben pas de la même équipe, de la même ville qui a gagné contre la même ville. Ouais. Hein, on se comprend. Du même affrontement. Exactement. Le spectacle à mi-temps du Super Bowl, premier du nom. Premier du nom. Ouais. Et. Oh! Attends, est-ce que tu peux me donner la date? C'était. Premier? Ah, attends, je l'avais dit tantôt. Ouais. Je vais essayer de retourner en arrière au premier. C'était avec le billet. C'était en 1967. En 1967? Tu l'auras jamais. C'est sûr que non. C'est sûr. Prince? En 1967, non. C'était 2 marching bands anonymes, là, équipes d'orchestre avec le trompettiste Al Hurt, 2 hommes en jetpack et 300 pigeons. Ah oh, ouais, merveilleux. Si t'avais au moins eu les pigeons. Ouais, c'est au moins, mais non. Au moins. Je suis désolée. Western Pennsylvania, l'ouest de la Pennsylvanie, c'est l'endroit où il y a beaucoup de corps arrière. Okay. Parce qu'il y a 6 quarterbacks du Hall of Fame qui viennent de cette région-là. 5... Donc, Johnny Unitas, Joe Namath, Joe Montana, Dan Marino et Jim Kelly ont joué dans au moins 1 Super Bowl chaque en tant que quart arrière. Le 6e, George Blanda, a compétitionné comme place kicker. Oui. Un placeur, c'est ça? C'est ça, c'est le botteur de placement. Botteur de placement. Au Super Bowl, 2e du nom. Oh! Le Super Bowl junior. Ouais, clairement. Dans les Super Bowls avec un chiffre impair. Oui. L'équipe de la NFC est désignée comme l'équipe haute. Oui. Hein? Alors que les équipes de l'AFC, eux, ont cet honneur-là pendant les Super Bowls qui sont chiffres pairs. C'est vrai, ça. Je m'en souviens. Ouais, mais tu ne savais pas assez pour clocher, mettons. Oh, excuse. J'étais dans la lune un peu. En 1983, 105,97 millions de gens ont regardé le dernier épisode de la série MASH. Hein, c'était donc la série, en fait, l'épisode d'une émission de télé le plus regardé de l'histoire des États-Unis. Ça a pris plus d'un quart de siècle, mais en février 2010, le Super Bowl a finalement battu ce record-là avec 106,5 millions de gens qui ont regardé les New Orleans Saints battre les Indianapolis Colts. Et les Super Bowls qui ont suivi ont battu même ce record-là avec le Super Bowl XLX qui a été joué le 1er février 2015 qui est présentement le numéro 1 avec 114,4 millions de téléspectateurs en moyenne. Ah ouais, non, j'étais pas au courant. Est-ce que t'es capable, toi, les chiffres romains avec des L puis des... Le L, je me souviens pas ce que ça veut dire. Il me semble que c'est 50, donc... Attends, j'allais voir. Attends, non, laisse pas trouver avant. XLIX, L c'est 50, donc si le X est avant le L, ça veut dire 40, et puis IX c'est 9, donc 49. XLIX, ça serait 49, est-ce que c'est ça? X-L-I-X. Ouais. Attends. Voyons. X-L-I-X. Ah, en chiffres normaux sur Google. C'est... J'ai dit 49, on se rappelle. Je pense que c'est ça, Mathieu. Wow, ça... 49. Bon, okay. Félicitations. Merci. C'était le 49e Super Bowl en 2015. Elle, c'est 50. C'était les Seahawks de Seattle contre les Patriots de la Nouvelle-Orléans. New England. Ouais. Nouvelle-Angleterre. À Las Vegas, plus de 115 millions de dollars américains est légalement misé sur le Super Bowl chaque année. Tu savais ça de 115 millions? Hein, ben, pas le chiffre, là, mais je savais que c'est une des journées où il y a le plus de bêtes. Ça, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Les Baltimore Colts ont battu les Dallas, c'est quoi, c'est Cowboys? Ou, les Cowboys de Dallas, si donc, je me souviens. Donc, au Super Bowl 5e du nom, en 1971, le linebacker des Cowboys, Chuck Howley, a été nommé le Most Valuable Player, donc le joueur d'importance du match, de la partie. Et était le seul joueur de l'histoire à avoir mérité cet honneur-là en tant que membre de l'équipe qui avait perdu. Oh! C'est fou quand même, ben, c'est le MVP de l'équipe qui a perdu. C'est ça, exactement. Super Bowl, mais en tout cas, vous comprenez. Ensuite, le trophée Vince Lombardi. Ouais. Il y en a un nouveau qui est donné chaque année. Ouais. Est-ce que tu savais que c'était un nouveau chaque année, trophée? J'avais... Qu'on se passe pas le trophée. Ouais, j'avais entendu dire que ça allait changer, ça, il y a quelques années. Qu'elle allait se le louer, genre, se le prêter. Non, qu'elle allait changer la formulation de, justement, devoir se le prêter. Ah, d'accord. Ben alors, c'est ça, il y en a un nouveau qui est fait, en fait, à chaque année. Elle s'est fabriquée par Tiffany & Co. C'est fait d'argent sterling. Ouh. Le prix Vince Lombardi du Super Bowl. Une panne de courant, ça, c'est sûr que tu savais, au Superdome de la Nouvelle-Orléans, a éteint le Super Bowl XLVI, ça veut dire 47. On a mis ça en attente pendant 34 minutes. Oui. Bon, ding. C'était un peu malaisant. Une toute nouvelle couche de ce qu'on appelle du sod naturel de haute qualité est installée sur le terrain avant chaque Super Bowl, qui est joué sur un gazon naturel. Mm-hmm. Pour le Super Bowl 50, la compagnie West Coast Turf a ramassé 75 000 pieds carrés de gazon premium pour la NFL pour pouvoir installer ça sur le terrain. Donc, la couche du dessus. Échangé avant le Super Bowl. Ben, Mose, ça, j'étais vraiment pas au courant. En 2008, le maire de Boston, à l'époque, le maire Thomas Menino, il fait d'excellents bas, les laines de Menino, a perdu une grosse gageure contre New York, où les Giants ont battu les Patriots au Super Bowl 42. Si je me souviens bien, là, c'était historique, genre. Ouais, hein. Étant donné la défaite de la Nouvelle-Angleterre, Menino a dû envoyer un gros camion de délices du Massachusetts, dont 42 livres de café Dunkin' Donuts, parce que c'était le 42e Super Bowl, hein, et une douzaine, non, 12 douzaines, pardon, de Boston Cream Pies, une référence au numéro de Tom Brady, 12. Mm-hmm. Donc, ils ont envoyé ça à New York, où la nourriture a été donnée à des œuvres de bienfaisance. Ah, oh, c'est gentil. C'est Mais bon. Ça arrive souvent qu'il y a des bêtes comme ça entre les mers, hein? Oui, ben oui. C'est ça qui est le fun aussi. Quelques jours avant le Super Bowl 20, en 1986, le quarterback des Bears, Jim McMahon, a montré ses fesses à un hélicoptère de la télé qui volait par-dessus une des sessions de pratique de Chicago. Bon, tu vois ça, j'étais pas du tout. Non. Jim McMahon qui a montré ses fesses, c'est pas notre recteur McMahon. Monsieur, c'est ça, exactement. C'est pas le même, là. C'est quoi son pas prénom? Dans la même famille. McMahon. C'est quoi son nom, prénom? Daniel. Daniel McMahon. Danny! Danny Bon! On le salue! Oui. Il nous écoute dans son bureau ce matin à 7h20. On sait que le signal se rend jusqu'au caboucher quand même. Oui, c'est ça. T'sais, leur réseau fait parfois défaut, mais notre antenne fonctionne. Ils peuvent pas l'écouter sur le territoire du campus non, après 22h30. Non, mais bon. Bref, il n'y a jamais eu de pointage zéro au Super Bowl. OK, comme une équipe fait pas de points. Jamais arrivé. Les Miami Dolphins. Ben non, c'est ça. Ça m'aurait surpris, en fait, que quelqu'un perde comme 42 euros. Un blanchissage. Ouais, c'est ça. Les Miami Dolphins ont le record pour le moins de points fait au Super Bowl. Veux-tu deviner combien ils en ont eu en 1972? Ils ont perdu contre Dallas 24-7. Je veux dire 7? 24-3. Ah! Ouais. OK, fait qu'ils ont fait un touchdown. Ouais. Pis ils ont comme pas réussi le placement. C'est exactement ce que j'allais dire, en fait. Hein, si tu me voles les mots de la bouche. Oh boy. Elle a essayé de m'expliquer le football l'autre fois, j'ai compris. Ensuite, le Super Bowl de l'an dernier, LI, donc ça veut dire 51, hein, a été le premier à aller en overtime, en prolongation. Les Patriots ont réussi à battre les Atlanta Falcons, 34 contre 28. Mm-hmm. Le Super Bowl XLV, donc ça c'est 45, était je commence à être bon là. C'était le premier de l'histoire qui n'avait pas de cheerleaders. OK. Ouais, c'est parce qu'aucune des deux équipes qui participaient au Super Bowl, donc les Pittsburgh Steelers et les Green Bay Packers, avaient une équipe de cheerleaders, donc il n'y en avait juste pas. Ouais. On n'a pas pensé à faire un petit concours, quelque chose pour amener d'autres. Écoute, ça a l'air que non. Cleveland est la seule ville de la NFL présentement qui n'a jamais accueilli un Super Bowl et n'a jamais vu sa propre équipe, les Browns, apparaître dans un Super Bowl. Et c'est triste. Triste. Hey, c'est sont des choses qui arrivent. Moi, je trouve ça super intéressant, ces faits-là sur le Super Bowl. On va continuer, on est rendu juste à la moitié. Ouh, il y en a j'aime vraiment ça. Beaucoup. Hein? Ouais. Pendant le Super Bowl premier du nom en 1967, NBC, le réseau de télévision américain, était toujours en pause publicitaire lorsque la deuxième moitié a commencé, donc le botté de la deuxième moitié. Les officiers ont demandé aux Packers de rebotter pour okay. la télé. Ah, ouais. Fou, hein, on a interrompu. Hey. Le botté a eu lieu. Ouais. On a dit non. Tu NBC est en ça? Pause, on reprend ça. Prise! Cooper! Wait! Ouais, bizarre. Fait que s'il l'avait manqué, là, il y a eu une chance de l'avoir. C'est ça. Oh, deuxième that's chance. So weird. Deuxième chance. C'est pareil comme Trump avec sa maîtresse. Là, les autres policiers ont dit qu'il avait droit à une deuxième chance, comme au golf. Ah, oh, ouais. Wow. Un mulligan. De gentils petits agents. Un mulligan. De la paix. Ensuite, en 1989, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl a été diffusé en 3D. C'était une nouveauté à l'époque. Hein. On a essayé ça souvent, la 3D. En 1989, donc, ah! on a essayé ça en 3D. Mais voyons. Le magicien était déguisé en Elvis Presley. En fait, son nom de scène était Elvis Presto. Je te jure. Et tout le stade au complet a participé dans une ronde de « Est-ce que c'est votre carte? » Le célèbre ouais. truc de magie. En 3D, en 1989. Ensuite, un autre spectacle inusité, c'était au pre-game show, donc le spectacle d'avant la première moitié. En 1977, au Super Bowl, il y avait un chien qui attrapait des frisbees. Okay. Ce chien-là s'appelait Ashley Whippet. Ashley Whippet? Ouais. Ashley Whippet. Wow. Coupe les Whippet, brasse les Whippet, Ashley Whippet. Okay. avec le potato. Hein. Le mash potato? Le mash potato, le mash potato. Ah, y en a qui font ça au Super Bowl, font du mash potato. Ah, c'est incroyable. Quelle danse de blanc bec. Les résidents, de Springfield, hein, connaît vraiment son football, oui? cette femme-là. Dans un épisode des Simpsons diffusé le 23 janvier 1992, Lisa a réussi à deviner correctement que Washington allait battre Buffalo c'est dans vrai? Le Super Bowl 26 qui a été joué 3 jours plus tard. Ça arrive, je pense que c'est il y a quelques années aussi, c'est arrivé avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ouais. puis une autre équipe aussi. Ça nous dit quelque chose, ça? Ouais. Ouais, ouais. Il y a des épisodes aussi où faisait exprès pour, mettons, Homer disait genre « Félicitations, pour qu'on puisse changer ça au doublage après. » Ensuite, il n'y a aucun président en poste qui s'est présenté au Super Bowl de l'histoire. Par contre, ouais, je te jure. Barack, il a pas été? Ben non. Ah, je pensais que Barack y avait été. Même pas de Barack. Ah, ben par contre, il y a 4 vice-présidents en poste. Spiro Agnew, George H.W. Bush, Al Gore et Mike Pence qui ont fait leur apparition à la grande partie. De 1985 à 1997, le NFC, ça c'est la filiale NFC, c'est quoi? C'est la North Football Country Club? NFC, probablement National Football Club. Ouais. Probablement. Bref, ils ont gagné 13 Super Bowls de suite. Et pendant cette lignée, donc de 1985 à 1997, les équipes de la NFC ont eu plus de points que leurs opposants de la AFC avec un score cumulatif de 490 contre 219. Ah, ouais. Ouais, donc la NFC est vraiment plus forte que la AFC. Deux divisions de la NFL. La NFC, c'est la National Football Conference. Et l'autre, c'est l'American Football. C'est ça. C'est ça. Américaine et nationale, c'est des synonymes, mais bon. Lorsqu'ils célébraient le Super Bowl 21, leur victoire avec le président Reagan à la Maison-Blanche, le linebacker Harry Carson a vidé un gros seau de popcorn avec le logo de Gatorade sur la tête de Gipper, qui était la femme du président Reagan, il me semble. Gipper. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Possible. Hein? Je pense pas. Attends un petit peu. Je vais aller voir. Ça pourrait être ça. Ma politique américaine, c'est pas nécessairement jusqu'à ces gens-là. Gipper, George Gipper, non, c'est pas du tout sa femme. C'était un joueur de football collégial à l'Université de Notre-Dame. C'est ça, Gipper, je connaissais pas. Ensuite, lors du Super Bowl 23, c'était à San Francisco, ils ont gagné en 1989. Joe Montana a vu un spectateur qui était une vedette et en plein milieu d'un huddle... Il a demandé à ses collègues « Hey, c'est pas John Candy que je vois dans la foule, là? » Ben oui, c'était John Candy. Mm. Pendant un huddle, tu sais, quand ils font leur petit caucus. Là, c'est dommage drôle. Ouais. C'est sûr qu'ils se collent plein d'affaires pendant ça. Sûrement. Ça, c'est ça, déjà, c'est sûr et certain. Lors de la journée des médias du Super Bowl en 2000, un journaliste a demandé au defensive tackle des Titans, Joe Saliva, Quelle est ta relation avec le football? Il a répondu, je dirais complètement platonique. Là. Ouais. C'est platonique. C'est quoi ta relation? Je suis en amour avec le football. On va se marier l'année prochaine. C'est ma job. Deux victoires au Super Bowl de suite, c'est pas si rare qu'on le pense. Hein. Mais non. Est-ce que tu peux me nommer une équipe qui a gagné deux Super Bowls de suite? Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ouais, c'en est une. Il y a aussi les Packers. Broncos. Oh, les Broncos, oui, t'as raison. Je vais te laisser continuer si t'en as d'autres. Et attends, là, t'as dit tout nommé? J'ai nommé les Packers, t'as dit les Broncos et les Patriots. Je veux dire, c'est pas les Jets aussi qui ont déjà gagné deux de suite? Non, non. Ah non? Non. Eh bien, misère. Les Dolphins? Ah oh, oui! Les 49ers? OK. Les Cowboys? Ah, les Cowboys. Et les Steelers? Évidemment. On réussit ça. En fait, Pittsburgh a gagné deux Super Bowls de suite à deux occasions différentes. Ouh! C'est fou, les Steelers. Deux Super Bowls de suite, très deux fort. Fois. Ouais. Très fort. Très, très, très, Ensuite, les séries The Wonder Years, Family Guy et Undercover Boss ont tous été diffusés pour la première fois après un Super Bowl. C'est pas un fait vraiment très, très insolite, ça. Les Bears de 1985 ont enregistré une chanson de rap nommée le Super Bowl Shuffle, qui a été nominée pour un Grammy Award pour Best Rhythm and Blues Performance by a Duo or Group with Vocal, donc meilleure Rhythm and Blues performance par un duo ou un groupe avec de la voix. Ils ont perdu par contre contre Prince and the Revolutions avec la chanson Kiss Revolution, oh. Pas de S, pardon. Joe Montana a réussi à gagner ses quatre apparitions au Super Bowl. Félicitations, mais il l'a fait sans lancer une seule interception. C'est quoi? Une interception? Oui, une interception, oui. Bref, dans aucun de ses matchs, je sais pas, ça a l'air d'être un fait impressionnant. Quand même. Je sais pas. Ensuite, juste avant, le botté de la deuxième moitié du Super Bowl de 2004, un homme déguisé en arbitre s'est déshabillé jusqu'à son G-string, s'est promené tout nu sur le terrain. Ça arrive quasiment à chaque année. Pour vrai. Le linebacker des Patriots, Matt Chatham, a réussi à le mettre à terre, un tackle, comme on l'appelle, ce qui a permis à la sécurité d'appréhender ce mécréant. En 2010, le Super Bowl 44... avait donc une pièce de monnaie particulière. On a fait le flip de la pièce de monnaie juste avant la partie. Elle avait passé, par contre, cette pièce de monnaie-là, 11 jours en orbite de la Terre dans une mission spatiale de la NASA. Uh-huh. C'est en 2010. L'Aquarium of the Pacific à Long Beach, en Californie, a son très célèbre, entre guillemets, annuel Otter Bowl. C'est le dimanche du Super Bowl et à cet événement-là, il y a un groupe de ces jolis petits mammifères, une otarie, hein, otter, c'est ça, otarie? Mm-hmm. Joue avec un ballon de football alors que les gens de l'équipe font la narration de ce qui se passe. Et cette année, ça va être le quatrième événement annuel du Otter Bowl. Pas pire. Les New England Patriots, Tom Brady de cette équipe-là a gagné 5 Super Bowls, plus que n'importe quel autre carrière. Could be the sixth. Peut-être. En fait, on précise que d'autres starting quarterbacks, je sais pas, il y a une différence entre un carrière... De débarrage, de départ. Mm-hmm. Hein, c'est ça. Oui. Terry Bradshaw et Joe Montana ont gagné 4 chaque. Oh. Le premier touchdown au Super Bowl a été fait en 1967 par le wide receiver des Packers, Max McGee, qui était absolument marteau ce jour-là. Il était sous lendemain de veille. Ouais. Quand même, bravo. Il y a des journées plus difficiles que d'autres. Hein? C'est ça. Les bonus du Super Bowl, ça existe? En 2017, chaque joueur de l'équipe de championnat des Patriots s'est fait 107 000 $ US pour avoir gagné le match. Ils ont battu les Falcons qui, eux, ont reçu 53 000 $ chaque comme prix de consolation. Tu sais, prix de consolation de 53 000 $ US, pas pire par personne, ça. Deux collèges ont produit des starting quarterbacks qui ont gagné des Super Bowls. Donc, l'Université de l'Alabama a créé Bart Starr, Joe Namath et Ken Stabler. Et Purdue University a créé Len Dawson, Bob Grease et Drew Brees. L'événement qu'on appelle maintenant le Super Bowl, à l'origine, avait un nom un petit peu plus ennuyant. C'était la AFL-NFL World Championship Game. Oh, OK. C'est plate, hein? Ça fait pas des grosses bannières, tu sais. Ah, je m'en vais regarder les AFL, la NFL, ouais. World Championship. Bref, Super Bowl a été utilisé non officiellement depuis la toute première partie, mais le terme n'était pas officiellement reconnu par la Ligue avant quelques années plus tard, avec le nom qui est apparu pour la première fois sur la couverture du programme en 1969 et sur le billet en 1970. En 2013, 40 ans après avoir gagné le Super Bowl 7, les célèbres Miami Dolphins, qui avaient eu une saison parfaite, ont été invités à la Maison-Blanche par Barack Obama. Don Shula, était transporté pour quitter le terrain après le Super Bowl des Dolphins quand ils ont gagné en 1973. Un fan a mis sa main dans les airs pour lui serrer la main. Don Shula était sur les gens dans, qu'il transportait là, dans les airs, dans leurs bras. Là. Bref, un fan a voulu lui serrer la main et le fan a volé sa montre. À Don Shula. Mais voyons donc. Hey, sérieux. Donc bien agressif. Il a gagné un Super Bowl. Mais oui, hey, calme-toi. Kleptomanie. Pendant la saison 1995-1996, il y a des serveurs proxy qui ont bloqué le site web du Super Bowl parce que c'était le Super Bowl XXX. Mm-hmm. Et tu sais, les serveurs qui peuvent bloquer les termes ouais. de sexe comme XXX ont bloqué le Super Bowl 30. C'est triste, hein? Il nous en reste seulement deux. Hunter S. Thompson a couvert les Super Bowl 7 et 8 pour Rolling Stone. Hunter ah ouais? S. Thompson, l'auteur. Et en 1993, la performance de la mi-temps de Michael Jackson a eu de meilleurs codes d'écoute que la partie elle-même. Oh! Eh ben, voilà pour les faits du Super Bowl. Ben, je pense que c'est un peu ce qui arrive à chaque mi-temps maintenant. Tout le monde espère qu'il se repasse une situation comme Janet Jackson il y a une couple ouais, d'années. Un petit peu parce que tout le monde l'écoute. donc, toi, tu vas regarder ça dimanche? Ben oui, certainement, c'est sûr. Est-ce que tu vas commencer avec la première émission qui est genre à, je sais pas, 9h du matin du Super Bowl? Pas vraiment. Pas, mais c'est une tradition que d'écouter le Super Bowl et je tiens à remercier grandement les chefs de la délégation des Jeux de la communication qui ont décidé de ne pas nous donner de mandat dimanche, considérant qu'il y aurait eu personne de présent. C'est ça, déjà qu'il y en a qui n'étaient pas là souvent. Fait qu'on va tout écouter probablement ce fameux petit match-là ensemble. Ensemble au même local que la réunion d'habitude. Ça aurait été très drôle, mais non. Non, bon. Vous pouvez retrouver ces faits-là si ça vous intéresse. Il y a des sources et tout sur assemblagerequis.com. C'est dans les notes de l'émission numéro 1196. On prend une pause. Oui. Au retour, on va être rendu, Colin, on va être rendu à faire d'autres affaires. Ben oui. Plein d'autres affaires. Tout est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on a besoin de suivre un plan pour l'inviter? Ben non. Hey, go minute. Hein? On se fait notre propre plan. C'est ça. Spectacle de la mi-temps, Michael Jackson va performer. Une grosse pointe d'adresse à mi-temps. Non, c'est pas vrai. Restez là. En fait, on est comme le 1er février, mais au matin, on pourrait boire l'affaire alcoolisée avant que ce soit comme 9h le matin officiellement, genre. Non, on n'a pas le droit maintenant. Aujourd'hui. C'est fou, 89 ans. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Retour dans Assemblage Ricky, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oh oui. Ok, oui, juste à temps. Ben, t'as-tu vu ça? À quel point c'était bien fait? Ton réflexe est incroyable. Dans quelques instants, ta chronique s'en vient, Tania Esgonet-Tutelier. Rappelle-nous de quoi tu nous parles. Aujourd'hui, je vous parle de nutrition, de nourriture, de restaurant, de calories. Oh! Oh là là! Oh boy! Mais avançons, on écoute Calamity the Kid. Voici American Muscle. Assemblage Ricky. Cigarettes, 'cause we thought we were hard. And I was a cowboy from the start with my cap gun in my hat. Yeah, making all the neighborhood girls retreat from our attack. But the world isn't what it was. In the 60s, all peace and love. I'm sorry if I can't unwind, but tell me everything will be alright. Raised by American muscle. Well, you're lucky if you just survive. You get arrested but you don't know why. Shot down by cops in doubles. Packing American muscle. So I moved out for a good 4 years until I had to move back in. With a little piece of paper that my parents framed, said I was just like them. So now I wake up late, and I get high, look for checks in the mail. For standing on the corner asking every other mother if they'd like to donate to save the whales. The world isn't what it was, but I guess every generation. have every country on its knees, the whole world forced to be free, and every mosque and temple will pray to American muscle. Well, you're lucky if you just survive. Get murdered if you don't act white. Shot down by cops in doubles, packing American muscle. American Muscle de Calamity the Kid. Hey boy, hein, ça... Ça fait sa fin. Il y a comme ça, une fausse fin. C'est ça. Ça te dégraisse les veines, bien comme fausse. On n'a pas entendu souvent cette chanson-là encore, donc on va s'habituer. Calamity the Kid, c'est bon, quand même. C'est très bon. Maintenant, c'est le moment de faire le bloc des palmarès, ça, c'est fou. C'est donc le moment de rendre visite à nos très négligés par le Rassi Fou, c'est le petit rejet de la famille. Aujourd'hui, on va savoir si les numéros 1 de la semaine passée sont toujours au sommet. On se rappelle que la semaine passée, si vous étiez avec nous, c'était Fanny Bloom et Terry Lightfoot qui étaient là en numéro 1 pour la semaine précédente. Maintenant, on est la semaine du 29 janvier au 4 février 2018. On écoute les numéros 1 de chaque côté, anglophones et francophones, et on se dira ce que c'est après. Keep running. the sunset superstars. Girls in cages playing their guitars. But how can I leave? I just fall in the hood of my car. In Los Angeles, the waves, they never break. They build and build until you don't have no escape. But how can I leave? I just follow my hood to the sea. Go to sleep. Numéro 1, les premières positions de la semaine du 29 janvier au 4 février 2018 des Palmarès Cifou 89,1 FM. En numéro 1 francophone, c'était Ponctuation avec Fleur sur l'album Mon Herbier du Monde Entier. Tu sais, quand tu veux trouver un nom, tu t'appelles ça Mon Herbier du Monde Entier. Exactement. Et en anglophone, c'était Saint Vincent avec Los Ageless sur l'album Mass Seduction. Voilà pour le bloc des Palmarès Cifou qu'on fait une fois de temps en temps quand ça donne habituellement pas mal trois fois semaine. Pas mal. Maintenant, Tania, on a un petit peu de temps et j'ai entendu dire que tu avais des affaires à nous dire. Bien, certainement. En fait, vous savez, hein, c'est assez difficile parfois de décider en quoi est-ce qu'on veut étudier. Ça nous prend un petit peu d'aide. On se demande qu'est-ce qui va être populaire dans quelques années. Eh bien, pour vous, j'ai les 5 emplois qui devraient être en forte demande au Québec d'ici 2022. Ah, donc pour ceux qui remettent leur vie en question, c'est mettons. Ça. Si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, ben c'est peut-être le temps de vous poser la question, à savoir si vous aimeriez ça. Sinon, si jamais vous voulez changer de travail et complètement refaire vos études, vous pouvez aussi vous poser la question. En premier lieu, eh bien, je pense que tous les jeunes, comme je le disais, c'est souvent difficile d'arrêter son choix sur un domaine d'études qui va déterminer, en fait, un petit peu l'avenir, on s'entend. Donc, quand on est jeune, on a une tonne d'intérêts, bien souvent. On n'a pas nécessairement tout le temps une idée précise de ce qu'on veut faire. Donc, ça signifie pas nécessairement qu'on correspond pas toujours au meilleur choix qu'on s'est donné, mais parfois, il faut peut-être aussi se poser la question, c'est quoi qui va être en demande? Parce que bon, évidemment, c'est sûr, si vous faites comme Mathieu et moi... Vous avez le temps de poser des questions. Bon. Donc, il y a des professeurs, il y a des parents, il y a des membres des familles qui se donnent un petit peu toujours le mot pour nous bombarder de questions aussi par rapport à notre avenir et souvent notre choix de carrière et savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et on a rarement une réponse sérieuse à leur donner, surtout quand on finit le secondaire, on rentre au cégep, on n'est pas trop sûr. Finalement, la chose la plus importante, c'est de trouver quelque chose dans lequel on va avoir le goût de travailler tous les jours, de se lever tous les jours, qui va nous permettre de mener, en fait, un train de vie qui va être très intéressant. Et personne n'a envie de devoir occuper trois emplois en même temps, on va se le dire. Donc, souvent, on va essayer d'aller chercher un certain équilibre dans ces fameux petits choix-là et de faire un choix prometteur. Alors, le premier qui devrait être intéressant d'ici 2022, c'est infirmier praticien spécialisé. Okay. Ce qu'on appelle un IPS. L'infirmier praticien spécialisé, ça travaille dans une des quatre spécialités suivantes, c'est-à-dire cardiologie, néonatologie, néphrologie ou soins de première ligne. Et on obtient ce titre-là à la suite d'une formation qui va être supplémentaire. Donc, par exemple, un diplôme d'études de deuxième cycle universitaire en sciences infirmières, chose qui se donne à Trois-Rivières, ben oui. Sachez-le. Donc, on va travailler en collaboration, surtout avec le médecin. On va s'occuper de tous les aspects de la santé d'une personne. On va pouvoir prescrire des tests diagnostiques. On va pouvoir prescrire des traitements. En plus d'effectuer certaines interventions qui vont être quand même assez rapides, là, directement sur les lieux. Donc, il faut faire le suivi des patients qui va être préalablement diagnostiqué. On va apporter un soutien clinique aussi aux infirmiers et aux autres professionnels de la santé. Donc, il y a comme un petit step entre l'infirmier et l'infirmière et l'infirmier praticien spécialisé. Il y a des bourses d'études aussi qui sont offertes présentement un petit peu partout à travers la province du Québec sur ce domaine-là. Alors, si jamais vous vous dites « Hey, moi, ça me tente », ça a l'air qu'ils sont pas mal alléchantes comme bourse. Mais il faut déjà être rendu là, à ce stade-là. Il faut avoir fait les études précédentes. Exactement. Donc, avoir fait son cégep en technique infirmière, c'est je pense. Ça. Oui. Par la suite, le deuxième emploi qui devrait être en vogue d'ici 2022, c'est psychologue. Ah ben! Si vous aimez comprendre, en fait, les motivations, les pensées des gens, écouter leurs problèmes, donner certains conseils. Leur dire que c'est leur mère, le problème. Ou peut-être juste répondre avec une autre question. Ouais. Bien, vous êtes axé sur l'humain, tout en ayant peut-être une véritable méticulosité scientifique, parce que vous vous demandez vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une tête de quelqu'un à ce niveau-là. Bien, la carrière de psychologue est peut-être pour vous, parce que c'est un professionnel de la santé. Il va être outillé pour évaluer l'état psychologique d'un patient. Et surtout, on veut venir en aide lorsqu'on devient psychologue. On veut pas nécessairement juste déceler des problèmes partout, sachez-le. Donc, c'est une carrière qui est riche en expérience humaine, bien évidemment, parce qu'on se retrouve à être très, très près des gens avec qui on va travailler. Faut pas que vous soyez une éponge émotionnelle. Non, c'est ça, exactement. Et le psychologue peut travailler dans tous les milieux de travail, hein, du réseau de la santé, des services sociaux, des clientèles sont très variées aussi. Donc, il y a un éventail dans ce domaine-là. Ça peut faire des évaluations psychologiques et aider les gens à s'adapter à des changements. On peut essayer de comprendre aussi et modifier les attitudes et comportements. Et souvent, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais on dit que ça prend quelqu'un qui a quand même eu de la difficulté pour être capable de donner des conseils à quelqu'un qui a une difficulté. Pour avoir plus d'empathie, il faut que tu aies vécu quelque chose. Ça se peut. C'est possible. Écoute, là aussi, on parle de bourse d'études pour les personnes qui souhaitent travailler en région éloignée. Apparemment, ce sont de belles bourses. Et les régions éloignées, bien, c'est souvent là où on va manquer un petit peu de ressources en termes de santé, ouais. Exactement. Donc, à ce niveau-là, bien, si on a des bourses d'études, si on a des bourses de travail aussi, c'est toujours plus plaisant. Ben par la suite, préposé aux bénéficiaires, on sent que ça joue toujours dans le domaine de la santé. Ouais. Si vous aimez aider votre prochain, en fait, bien, offrir une certaine présence qui est rassurante, la carrière de préposé aux bénéficiaires, c'est une très bonne option. Le préposé aux bénéficiaires, c'est lui qui va administrer des soins de base aux patients. On va s'assurer une présence aussi auprès d'eux, donc de ne pas laisser les personnes âgées seules, en fait, et les patients. On va aider aussi à maintenir leur état de santé. Donc, les préposés aux bénéficiaires, c'est là pour les patients dans leur quotidien. C'est ça qu'il faut comprendre. On va les aider à se déplacer, on va les aider à se laver, on va les aider à s'habiller. Donc, on va offrir un soutien au moment des repas et du coucher. C'est un beau métier pour faire preuve de générosité humaine. Il faut pas l'oublier, là. Il faut quasiment se délaisser un petit peu pour... pour œuvrer dans ce domaine-là. Mais en plus d'être offert, par exemple, au niveau secondaire professionnel, donc un DEP, comme dans le bon vieux temps, c'est une formation qui affiche d'excellents taux de placement parce qu'on en demande de plus en plus, que ce soit dans les hôpitaux ou encore dans les résidences pour personnes âgées. C'est vraiment en demande, là. Donc, nous, on dit en vol jusqu'en 2022, mais quasiment en 2018. Hein? Let's go, guys, on étudie. Par la suite, pharmacien. Oh, ça me surprend. Pharmacien, c'est un domaine qui devrait être très en vogue d'ici 2022. C'est, on le sait, un pharmacien d'établissement, c'est un partenaire qui est indispensable aux professionnels de la santé. Si vous allez à l'hôpital, par exemple, et on vous remet une prescription, vous devez passer à la pharmacie. Donc, c'est un véritable expert des médicaments et des soins pharmaceutiques. Et le pharmacien, bien, ça va établir... ça va s'assurer, pardon, de l'usage approprié des médicaments pour les patients qui vont être traités. Le rôle accru des médicaments dans le traitement des maladies, ça fait quand même du pharmacien un partenaire essentiel au sein de l'équipe de professionnels de la santé. Tout le temps rendu au pharmacien pour aller demander des conseils. Exactement. Donc, dans le réseau public de la santé et des services sociaux, on travaille principalement dans les hôpitaux ou encore dans les centres d'hébergement ou dans les soins de longue durée. Il y a encore une fois des bourses d'études qui sont offertes présentement. Si jamais ça vous intéresse de devenir pharmacien, courez! Oui, courez! Hey, tu savais que tu peux faire semblant d'avoir été millionnaire avec des pharmacies? Écoute, j'osais pas le dire. Vous pouvez aussi un jour écrire un livre sur comment vous êtes devenu millionnaire avant 30 ans. Avec des pharmacies? Que ce soit complètement faux. Par la suite, le dernier emploi qui devrait être en vogue d'ici 2022, c'est infirmier clinicien. Infirmier. On peut, si tu mâches up les deux. C'est ça, exactement. C'est un infirmier clinicien. Donc, tantôt où on a parlé d'infirmier spécialisé, c'est un tempérament de leader, en fait. On veut vraiment quelqu'un qui va être capable de prendre du lead, qui a une bonne vue d'ensemble aussi. Donc, la profession, ça pourrait vous amener beaucoup de choses. On assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers selon les besoins biopsychosociaux des patients. Donc, c'est vraiment le prêt des patients. On évalue l'état de santé, on détermine et on va assurer aussi la réalisation de traitements pour des patients qui ont des problèmes de santé quand même assez complexes. Et on va coordonner le travail d'équipe aussi avec le reste des infirmiers. On va exercer une espèce de rôle consultant auprès des collègues, auprès de l'équipe qui va être interdisciplinaire aussi, parce que ça se peut qu'on se promène d'un étage à l'autre dans un hôpital, oui. Donc, si vous aimez toucher un petit peu à plusieurs facettes d'un seul métier, si vous aimez être en charge, bien, la profession d'infirmier clinicien, ça pourrait être quand même assez parfait pour vous, je vous dirais. C'est sûr et certain que, bon, ça sort de plus en plus dans les médias. C'est un domaine qui est en vogue parce que c'est très, très, très demandant. Ah oui, hein? C'est épuisant, c'est ça. C'est très épuisant. La jeune fille, jeune femme... Exactement. Dans les médias en ce moment, oui. Si vous pouvez le constater aussi, les 5 emplois que je viens de vous nommer sont reliés au domaine de la santé. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on a besoin de pas mal plus de monde en santé au Québec? Je pense que oui. On dirait. Je crois que oui. Merci, Tania. Hey, ça fait plaisir. Un bon petit complément de chronique. Toi qui vas faire ta chronique dans quelques minutes. Exact. C'est pourquoi pas en avoir plus de Tania? Ben, tout le temps. Hein? C'est mieux. C'est comment qu'ils disent ça? Plus que pas assez. C'est ça. Ce qu'on dit, j'aime entendre ça. Je pense que oui. Il vaut mieux plus que pas assez. Il donne un pouce pour 1 000, ça? Je pense que oui. On écoute. On pourrait faire une télé-réalité basée sur tous ces postes-là à combler. Là. Mm-hmm. Donc voici Filme-moi de Alice et moi. À Assemblage Requis. Mais pourquoi les gens regardent des films d'horreur, mettons? Parce que c'est vraiment dégueulasse, hein? Ah, je sais pas. Tania m'a envoyé la bande-annonce du film Hereditary. Qui est un nouveau film qui va sortir. Qui a l'air du film le plus freakant au monde. C'est le nouveau Exorciste, apparemment. Ça. Ouais. Ouais, il faut que vous écoutiez la bande-annonce jusqu'au bout. Je déteste les films d'horreur, OK? Je déteste ça. Je sais pas pourquoi. J'ai écouté la bande-annonce au complet. J'ai peur, quelqu'un se pointe quelque part. J'ai regardé comme du point d'œil un peu, là. Je veux pas voir ces affaires-là. Est-ce que je comprends pas? J'ai dit. Si on finit pas l'émission, je suis désolée, c'est parce que j'ai eu peur, je suis partie en courant. Non, mais Facebook, là, sont pas corrects. On va se le dire de faire jouer les vidéos instantanément, automatiquement. C'est, c'est incroyable. Cool. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Je comprends qu'ils veulent qu'on regarde les pubs. Là. Faites jouer les pubs tout seul, si vous voulez, mais les autres affaires, là, non. C'est ça, hein? Les bandes annonces de films d'horreur, ça devrait être automatiquement refusé. Tout ce qui est spoiler de séries télé ou de films, là. Non. Si, c'est vrai. Mais tu peux désactiver ça, les jouer automatiquement. Je te montre comment. Ouais, je sais. C'est fait sur mon téléphone, pas sur mon ordi. Ah, voilà, tu vois. Ouais. Bref, dégueu. Et non, c'est pas pour moi. Mm-hmm. Alors, on prend une pause au retour. Là, c'est vrai, ce sera Tania is gonna entertain ya. Oui, ok, oui. Avez-vous out? Ben, moi, j'ai hâte depuis tantôt. Elle nous parle de nutrition encore. Ouais. C'est au retour. Restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. L'assemblage requis en ce jeudi 1er février 2018, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. T'as froid aux mains, toi? As-tu remarqué le matin dans le studio, j'ai tout en froid aux mains? Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Tu sais, je regarde le thermomètre, il fait comme 23. Ouais, ça a du sens. Comme puis j'ai les doigts gelés. T'as passé trop de temps dehors à gratter ton auto, c'est ça? J'avais des gants, pourtant, j'ai pas gratté ma voiture ce matin, alors je sais pas. Il y a neigé un peu depuis hier, j'étais surpris quand même. Oui, mais je m'attendais à pire que ça. Ouais, ben ouais, on est quand même bien. Ouais. Bref, la météo, c'était le bulletin météo. C'est ça, exactement. On va parler de nutrition. C'est fou, 89. Et voilà. J'arrête pas de remettre tout à plus tard, mais aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de temps. Donc, on a le temps d'écouter de la musique entre les chroniques pour faire changement. Hein? Donc, on écoute Buffalo Tom avec All Be Gone. Ah, c'est là, du requis. Juste après, c'est vraiment Tania is gonna entertain. Was it time of coming and going? A time of wanting but not really knowing. We took the boat out of the water. Already missing my son and missing my daughter. Throwing him

404 de l'Impératrice. Au retour, le vrai, le faux à Assemblage Rock. Assemblage Rock pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Toujours dans l'émission matinale, Assemblage Reiki, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Dans quelques instants, on va jouer à le vrai le faux. Oh, on a raté le professeur. Ah oui. Voilà. Donc, le petit quiz des fake news dans quelques instants. Mais avant ça, tantôt, j'ai mentionné le nom des Tragically Hip. Oui. Donc, ça t'a donné le goût de les écouter, hein? Ben, un peu. Ça m'a surpris parce qu'on a fait. On a participé, mettons, au quiz musical la semaine passée. Et les gens dans la foule, la question était bon, je suis genre le gars d'un band qui est mort là, en 2017, blablabla. Puis là, ben, la réponse était Gord Downey de The Tragically Hip. Et les gens dans la foule étaient comme, ben oui, c'est sûr, voyons donc, Tragically Hip, c'est full sarcastique. Man, si t'as ouvert une chaîne de télé dans la saison où ça a eu lieu, là, c'est ça. Ou Facebook, là, ou peu importe. C'est quoi, c'est la télévision? C'est quoi ça? Ben, j'avoue que les gens sur Facebook doivent genre scroller par-dessus les nouvelles qui les intéressent pas. Fait que le gars de Tragically Hip, dont tout le Canada au complet parlait, ben ça se peut qu'il ait pas vu ça. Je sais pas, j'essaie de comprendre. Ça va faire, on dirait, un monde où les gens sont au courant juste de ce dont ils sont déjà au courant. C'est sûr. Et je trouve ça vraiment dommage pour la culture générale. Ouais, mais c'est justement la spécificité de Facebook, hein? Ben c'est ce que je comprends pas parce que... De pas y aller très très large. On y va avec des champs d'intérêt, mais aide des champs d'intérêt super larges, tu vas savoir plein d'affaires. Et aide des amis au courant de plein de choses et ils vont te mettre au courant de plein surtout de choses. Mais ce qui est à la mode en ce moment aux États-Unis, je sais pas si ça s'est rendu au Québec. Ben, peut-être un petit peu parce qu'on jouait à Trivia Crack ou des trucs comme ça. Mais là, en ce moment, c'est des quiz animés qui sont à la mode aux États-Unis. Par exemple, HQ, où t'as un animateur vraiment qui est dans ton téléphone. Là, il est plein écran, genre de la taille à sa tête sur ton téléphone. Il pose des questions et les gens peuvent gagner de l'argent s'ils réussissent à répondre correctement à toutes les questions. Et là, ça se sépare la cagnotte. C'est vraiment cool comme idée. Et c'est super populaire en ce moment aux États-Unis. Donc, j'imagine qu'on va voir ça ici. Sauf que ça, pour jouer à ces quiz-là, il faut un minimum de connaissances générales. Ben oui, c'est sûr. T'as pas le choix. C'est pas tout le monde qui a ça. Ça vient avec. Et on les envoie après ça jouer sur la scène d'un quiz musical. Ah, ça c'est le fun. J'aime. Ouais. Bref, on écoute The Tragically Hip, mais seulement le gars qui est mort. Voici Gord Downey avec Love Over Money. À son âge. Seulement le gars qui est mort. Love. You are my brothers and we've been through so much. Love over money, we fell and we fell out and we got back up. Love over money, we played to no one and no one plus one. Love over money, we defend the husband over the Queen of England. Yeah, love, what left? Thank you. Gord Downie. Love over money. Love over money. Eh boy, hein? Oui, hein? Et la fatigue à matin, ça se peut-tu? C'est incroyable, hein? Mais ne vous inquiétez pas parce que l'émission n'est pas totalement terminée. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, dont le vrai, le faux. Mais on devrait aussi, un petit peu plus tard dans l'émission, discuter d'alcool, Mathieu et moi, parce que, bon, on y goûtera peut-être pas, mais on va quand même en parler parce que c'est le début du 28 jours sans alcool aujourd'hui. On est le 1er février 2018. Ça veut dire que moi, c'est la troisième année que je participe à ce défi. Ah oui. Toi, Mathieu, c'est... Première, mais en même première. Temps, sûrement sans le savoir, la 50e. Ouais, c'est ça. Là. Mathieu n'est pas un gars qui boit beaucoup. 50e, comme j'avais 50 ans. Et je veux pas dire que je buvais beaucoup non plus, mais... c'est ça, on va mettre un mais. j'ai fait l'erreur d'acheter une bouteille de vin il y a quelques semaines que j'ai pas encore ouvert, donc ça te montre comment je bois souvent. Ouais, c'est ça. Mais elle est sur mon comptoir depuis à peu près deux semaines, et là, je me suis dit, Caroline, il faudrait bien que je la boive avant le 1er février, trop tard. Mais tu vois, moi, j'ai découvert les merveilles du vin sans alcool. Ouais, hein. Ceux qui goûtent vraiment bon, en fait, là, parce qu'il y en a qui goûtent pas. Mais tu dis que c'est de la triche, il y avait comme 0,4 % d'alcool. Non, il y en a qui sont vraiment 0,0. Ouais, bon. Tout à fait. Il y en a qui sont 0,5, ouais. Oui, évidemment, mais on devrait en rediscuter un petit peu plus tard dans l'émission. C'est tout cool, ça. Hein? T'entends? Hein? Ouais, pour l'instant, on c'est... On volera pas de punch. Pour l'instant, c'est le quiz. Le quiz, le vrai, le faux! Oui! Vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment annoncer aux informations deux ou trois mots à la radio et sur internet une tempête d'images, un faisceau. Le vrai, le faux se touche dans le noir, car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. C'est le vrai, le faux, et je suis allé sur YouTube tantôt pour chercher la chanson, puis j'ai trouvé une petite capsule de Jérôme Minière, c'est celui qui a fait la chanson Le vrai, le faux. Il dit qu'il a enregistré les paroles dans le noir. Ah, pas vrai? C'est vraiment cool comme idée, je trouve. Wow! Ouais. Bref, Le vrai, le faux, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'écoutent pas l'émission trop souvent, c'est le quiz où Tania doit déterminer la réalité versus la fiction. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est du fake news dans les nouvelles que je lui présente. Et je tiens à dire que je n'ai accès à aucune source. Il y a seulement ce que Mathieu me dit. Alors, je dois me fier... Des fois, te montre aussi. Ça m'arrive que je te montre un petit support visuel. Une photo, par exemple. Ouais, ça arrive. Ouais. Alors, souvent, mon score est bas. Et voilà. Donc, tu as la petite pochette avec toi. Est-ce que tu peux tester ton buzzer, s'il te plaît? Certainement, certainement. J'y arrive. Ding. Voilà, c'est donc, prêt. C'est pour signaler ses bonnes réponses. Oui. Parce qu'on a réalisé que c'était peut-être trop de te faire bosser pour chaque fois que tu veux répondre. Oui, c'est ça. Bref, est-ce que, pour commencer, c'est un vrai rat qu'on retrouve sur Internet? T'as peut-être vu passer ça. C'est un rat qui a l'air de prendre sa douche comme une vraie personne. Je vais te montrer la photo en tassant. Je vais te cacher un petit peu le résultat. Tiens, le rat a l'air de prendre sa douche comme une personne en se frottant en dessous des bras. Là, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je peux te dire... En fait, tu veux savoir si la photo... Est-ce qu'il prend vraiment sa douche? Je veux savoir si il prend vraiment sa douche comme un humain. C'est faux. Ben, c'est ça qui est difficile à dire en tant que tel. Pour te donner le point, je vais te dire que... Well. Ben, OK. Donc, c'est une vidéo qui montre un rat en train de prendre sa douche comme un humain. Là, ça a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux en janvier 2018. On l'appelle le Shower Rat. Karen Robbins, qui est présidente de l'American Fancy Rat and Mouse Association, est d'accord que le Shower Rat n'est pas vraiment un rat. C'est pas un rat Ratus norvegicus ou encore un Ratus ratus. Ça ressemble à un rongeur, mais qui n'est pas vraiment un rat. Donc, en tant que tel, il prend sa douche, mais c'est pas un rat. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi? Je donne 0.5 points. C'est comme un rongeur, mais pas un rat. Ah! Ouais. Je peux même te montrer une petite vidéo d'un rat qui prend sa douche en tant que tel. Là, je vais t'enlever le son parce que ça sert absolument à rien. Mais un rat, ça prend vraiment sa douche pas mal comme un humain. Ah, ben, base, oui. Fait que tu sais, c'est pas un rat, mais j'ai envie de te donner le point. S'il te plaît, donne-moi le point. Non, j'ai envie de ne pas te donner le point parce qu'en tant que tel, t'as dit que c'était faux. Ben, j'ai dit que la photo était fausse. Mais la photo est vraie. OK, laisse faire le bord, j'ai pas de point. Pas de point pour celle-là, bon. Ah, tristesse. On va rester chez les animaux. Est-ce que c'est vrai qu'une femme a poursuivi un zoo de Paris après qu'un hippopotame se soit échappé et essayé de la violer? Une femme de 400 livres, ça s'est passé, donc ça se serait passé à Paris. Well. Ouais. C'est faux. C'est en effet faux! Yeah! Tu peux ding, ding, ding, ding! Oh oui! Donc c'est complètement du clickbait et de la fausse nouvelle. Ça a sorti le 29 janvier dernier. C'est le site World News Daily Report dont on parle très très souvent. C'est un site qui dit même faire des nouvelles qui sont complètement fausses. C'est écrit en bas du site. Et la photo est de Vilma Solstès qui est morte en 2012 après qu'on lui ait refusé plusieurs vols vers les États-Unis à partir de la Hongrie à cause de son poids. Donc c'est même pas la femme qui a... ça n'a même pas rapport avec cette femme-là. Elle est morte en 2012. Ah, mon Dieu, pauvre madame, on est désolé. C'est ça. Parlant d'avion, là, par la bande, parce que je viens de dire que c'était une photo qui provenait d'une femme qui s'était fait refuser de prendre l'avion. Bref, est-ce que c'est vrai qu'un avion avec une bannière « Where's my damn dinner? » »« Où est mon foutu souper? » Ouais. A volé au-dessus d'une marche pour les femmes qui a eu lieu, c'était la deuxième marche annuelle des femmes, le jour de l'inauguration du président Trump. Donc, une personne qui aurait fait voler ça au-dessus de la Women's March... Oh, wow. Où est mon foutu dîner? Mon souper, peu importe. C'est donc le 20 janvier 2017 que ce serait passé cet événement-là. Évidemment, à la marche des femmes de Washington, D.C. et un petit peu partout dans le monde. C'est faux. C'est effectivement faux! Yay! Yeah! Bravo! Merci. Donc, l'image a fait le tour d'Internet le 20 janvier 2017 et ça a refait le tour en janvier 2018 lors de la deuxième marche annuelle. L'image n'est pas une vraie photo. Ça vient, dans le fond, d'un... c'est une composite. Un composite, je crois, de deux images. Une photo qui montre les manifestants avec différentes pancartes, avec un ciel bleu vide. Et l'autre, ben, c'est un avion avec une bannière derrière et on a superposé les deux un par-dessus l'autre pour créer la photo complète. Voilà. C'est faux. Parlant de femmes, est-ce que c'est vrai qu'une femme a fait semblant d'être un robot sexuel pour pouvoir recevoir une pension alimentaire? Oh non. Donc, on connaît les robots sexuels, on en parle beaucoup depuis quelques temps. Donc, l'interactivité entre un robot et un humain. Hein? Mais comment est-ce qu'elle aurait pu se faire passer pour un robot? J'imagine du maquillage et un mouvement... Bon, j'avoue qu'au niveau maquillage, si t'es... Ouais, mais le... non, c'est faux, ça. C'est effectivement faux, t'as absolument raison. Donc, c'est sorti le 24 janvier dernier, c'est sur le site 8shit. On en parle aussi une fois de temps en temps, ce sex robot qui serait devenu enceinte, donc, et qui aurait demandé... ben, c'est ça, de l'argent, finalement. Pour avoir... Je sais pas comment tu peux définir ça, de l'argent, pas du père, mais je veux dire, le père en tant que tel serait humain. Je sais bien pas. Le robot peut pas accoucher. En tout cas, ça a aucun sens, tout ça. Il y a aucune logique derrière tout ça. Donc, 8shit, un site de fake news reconnu. Ensuite, celui-là, on l'a vu dans les médias beaucoup, mais peut-être que c'est des fake news, peut-être que la correction va sortir. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des billets pour l'État de l'Union du président Trump avec une faute d'orthographe? State of the Union. On a vu ça passer dans les médias. Est-ce que c'est vraiment une vraie chose? Juste un petit peu de temps avant que je te cache l'affaire. Je te montre la photo. Ici, 115e congrès. State of the Union avec un M. Un collègue m'a parlé de cette nouvelle-là, qu'il a lu dans un média. Donc, est-ce que c'est un média de confiance qui a publié ça? Je vais dire que c'est vrai. C'est vrai! Yeah! Hey, Caroline, aujourd'hui! Hey, je suis en feu! Une journée avant, donc... C'est une faute de frappe, là, puis ils sont pas relus. Ben, c'est une faute de frappe, comme à l'habitude, hein, avec la présidence Trump et son équipe. Il y a des fautes d'orthographe dans à peu c'est près ça. Tout ce qui sort. J'osais pas le dire comme ça, mais... Même le nom du médecin, genre, qui a étudié Trump récemment, son nom avait été mal appelé. C'était Ronnie, je crois, avec un Y ou un IE, qui était le contraire de ce qu'il devait être. Ah, oh boy. Bref, je veux dire, sérieusement, ils ne font attention à rien, mais c'est ça, hein, c'est Trump. C'est ça. Il s'associe avec des gens comme lui. Hein? Oui, tout à fait. Donc, une journée avant le premier état de l'Union, du président Trump, le 30 janvier dernier, des images sont apparues sur les réseaux sociaux d'une invitation à cet événement-là, qui était donc de la part de la House of Representatives, avec le mot « Union » appelé « U-N-I-O-M hein? ». Même le sénateur Marco Rubio, républicain de la Floride, et le représentant Raul Grijalva, démocrate de l'Arizona, ont tweeté cette image-là de leur propre billet qu'ils avaient reçu. C'était bien sûr un vrai billet. Plusieurs ont été rapide à blâmer les républicains de la Maison-Blanche, un peu comme je l'ai fait, mais la responsabilité en tant que telle pour les billets est le bureau du Sergeant at Arms de la House of Representatives, la Chambre des représentants. NBC News a dit qu'une source à ce bureau-là a accepté ou, reconnu qu'il y avait eu une erreur et on a envoyé des billets de remplacement pour être redistribués. Toujours avec le président Trump, est-ce que c'est vrai que le président Trump a diffusé les noms de ses donateurs à sa campagne pendant l'État de l'Union? Donc, un peu comme un YouTuber ou un Twitcher montrerait les noms des gens qui leur ont donné de l'argent dans un petit générique de fin. Est-ce que le président Trump a fait la même chose? Ben, Je vais dire que... Peut-être qu'il l'aurait fait pour la transparence. Est-ce que je peux te donner des détails comme le fait que c'était un live stream sur le site internet De la Maison Blanche. De la Maison Blanche, je sais pas, mais c'était non, c'était un live stream géré par la campagne du président Trump et non pas la Maison Blanche. Là, je crois qu'il y aurait vraiment un conflit d'intérêt. Ouais. Peut-être qu'il y en a un quand même dans ce cas-là, là, mais. Je vais dire que c'est tough celle-là, mais je vais dire que c'est faux. Malheureusement, c'est vrai. C'est ça, je pensais. Ouais, le président Trump, ouais, c'est ça. Le président Trump. Mais c'est vrai, le pire, je pensais ça. Tu pensais que c'était soit vrai, soit faux, finalement. Ben non, mais je me suis dit, il y a une possibilité. Il y a toujours une possibilité. Il s'est dit, je vais être vraiment transparent. Ouais. Mais c'est un peu... Ouais, en tout cas. Non, mais ça montre vraiment que l'État de l'Union, comme on dit dans l'article, l'État de l'Union, c'est vraiment par rapport... L'important, c'est le président. T'sais. L'important, c'est vraiment Trump. Il faut qu'il se fasse applaudir. C'est ça. À chaque 30 secondes, à peu près. Bref, c'est ça. Le message est sorti quelques jours avant l'État de l'Union. Et il y a un message texte, en fait, qui a été envoyé à ses supporters, lui disant que s'ils avaient donné ce jour-là, leur nom apparaîtrait dans le live stream de l'État de l'Union, diffusé sur le site web de sa campagne le lendemain. Le message texte est devenu viral lorsque le journaliste de ProPublica, Derek Willis, a tweeté une capture d'écran de l'image. Et tout ça est en effet légitime. Ça nous amenait à une fenêtre de donation sur DonaldJTrump.com, le site officiel de sa campagne de réélection de 2020. Donc voilà, c'est tout à fait vrai. Ensuite, est-ce que c'est vrai que Trump a commandé une pizza avec de petites pizzas dessus pendant sa relation avec la fameuse vedette de la porno Stormy Daniels? Hey boy! Donc ce serait une transcription d'une entrevue avec la pornstar qui suggère que le signe de richesse le plus luxueux au monde, c'est de demander une pizza avec de petites pizzas dessus. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est lui qui affirme ça? C'est Stormy Daniels qui affirme que Trump a commandé ça. Pizza avec des petites pizzas dessus. C'est faux! C'est vraiment faux. C'est faux! Yeah! Donc, c'est un humoriste, Justin Halpern, qui a posté cette capture d'écran d'une entrevue de 2018, janvier 2018, avec la vedette de la porno, avec In Touch, apparemment. Mais tout ça a été créé de toutes pièces pour l'humour. Ça s'est partagé pas mal rapidement sur Internet, mais ça a l'air bon quand même. Hein? Et inspiré par le tweet de Halpern, une pizzeria a vraiment créé une petite pizza avec des petites pointes de pizza dessus. Et c'est super cute, puis je pense que ça pourrait devenir à la mode. Ouais. C'est chez Rudy Pizzeria dans le Kansas. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'une nouvelle loi... Ça parle encore de politique. Une nouvelle loi permettrait aux docteurs qui sont athées de refuser de prendre soin de patients religieux. Oh. Un peu comme aux États-Unis, t'as vu que l'affaire de traitement religieux, bon, t'as le droit de refuser des gens parce qu'ils vont à l'encontre de ta religion, bon, à cause, ben, je sais pas, ils sont gays ou peu importe. Là. Ah ouais? Donc un peu la même chose, mais à l'envers, les docteurs athées qui auraient le droit de refuser le soin à leurs patients religieux. Vrai ou faux? Ça se passe dans le Mississippi, si tu veux savoir. C'est faux. C'est faux! Effectivement, c'est un article satirique du site de Science Post qui a causé la confusion au début 2018 en disant que cette nouvelle loi-là permettrait aux médecins athées de refuser de traiter des patients religieux. L'article joue bien sûr, comme on l'a dit, sur l'annonce du US Health and Human Services que le département allait donc protéger les médecins qui refusaient qui refusaient de soigner des personnes à cause de raisons religieuses. Voilà. L'inverse est faux. Le contraire. Ensuite, toujours en politique, est-ce que c'est vrai qu'un candidat au Sénat américain encourage le droit aux femmes de lui faire à manger? Un peu dans le même principe que la bannière de tantôt. Donc, ce serait un candidat au Sénat, un candidat républicain, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est ce qu'on pense d'eux, là, et en effet, c'est pas mal vrai tout le temps, mais bon. Donc, qui dit que les femmes devraient avoir le droit donc d'être des femmes à la maison traditionnelles. Candidat pour le Sénat américain pour le Missouri. Il s'appelle Cortland Sykes. Hey boy. OK, répète-moi au complet. Un candidat républicain pour le Sénat américain pour le Missouri, Cortland Sykes, aurait dit qu'il encourage les droits des femmes, mais que ça veut pas dire que les femmes devraient devenir obsédés par leur carrière et oublier leur vie à la maison et leurs enfants et le bonheur de leur famille pour devenir, et là je cite, « nail-biting, manophobic, hell-bent feminists ». Donc des féministes du diable qui viennent de l'enfer et qui sont homophobes. OK, ça suffit, c'est faux. C'est vrai. Ah! Oh my God! I know! Je répète la phrase parce qu'elle est vraiment bonne. Nail-biting, manophobic, hell-bent, feminist, she-devils. Et une autre citation, pour ceux qui connaissent l'anglais, là, pas besoin de vous la traduire, vous comprenez le principe, mais en anglais, career-obsessed, banshees, ou forego home life and children and the happiness of family to become, et là le reste, nail-biting, manophobic, hell-bent, feminist, she-devils. C'est une vraie citation. Je n'ai pas besoin de lire le reste de l'article, tout ça. C'est vrai. Mm-hmm. Fait que, hein? Est-ce que c'est vrai? On revient à Trump et son médecin dont j'ai parlé tantôt avec le nom mal éplé sur un communiqué de presse. Est-ce que c'est vrai que le médecin de Trump a dit que le président était trop malade pour parler à Robert Mueller, celui qui enquête sur les liens entre l'élection présidentielle et la Russie? Donc, le président Trump... Il voulait dire malade mental, genre? Trop malade, en général. Pour pas avoir à parler à Bob Mueller. C'est comme une excuse du vrai. Médecin, si on veut. T'as dit vrai? Mais non, c'est faux. Ah bon. C'est faux. Ouais. Ça donc, me rassure un peu, on dirait. Quand même, le physicien du président Trump n'a pas écrit une note déclarant que l'exécutif en chef n'est pas assez en forme pour parler de la Russie avec Robert Mueller. C'est faux, ça vient du Borrowed Report, un site satirique. Voilà. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un couple s'est marié dans la salle de bain d'une cour, donc cour, mm-hmm. pardon, de la justice, après que la mère soit tombée malade. Donc le couple a changé l'endroit où le mariage a eu lieu, de la chambre du juge, donc il voulait faire un mariage devant le juge, ouais. versus la salle de bain de la cour quand quelqu'un de la famille a eu une attaque d'asthme. Ça se serait passé dans le New Jersey. Attaque d'asthme. 2 janvier dernier, c'est Brian et Maria Scholes. Mais ils étaient où? Ils étaient dans la chambre du juge. Ouais. Et puis ils sont allés finalement à la salle de bain à cause d'une attaque d'asthme de quelqu'un de la famille pour célébrer le mariage. Ils l'ont célébré là, finalement. OK. Ben, écoute, je veux dire que c'est vrai. Ben, t'as raison, c'est vrai. Simple comme ça. Donc, c'est la mère du mari qui a eu la difficulté à respirer. On l'a amené à la salle de bain des femmes de la Monmouth County Courthouse, où l'officier du shérif a administré de l'oxygène et a appelé les services d'urgence. S'ils avaient remis le mariage à plus tard, ils auraient dû attendre 45 jours pour avoir un nouveau permis pour se marier. Donc, oh. un des officiers a suggéré de faire la cérémonie dans la salle de bain. Il y a une vidéo disponible du mariage avec la juge Katie Gummer. C'est sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un officier, en fait une officière de l'EPA, ça c'est l'Environmental Protection Agency, donc l'Agence de la protection environnementale, est-ce que c'est vrai que quelqu'un de cette place-là a porté un déguisement pour espionner un test de conduite? Donc Cathy Stepp, okay, administratrice de l'Agence de la protection environnementale, aurait porté un faux nez et des lunettes de soleil pour essayer d'aider sa fille à passer un cours de conduite, un test de conduite en 2011 dans le Wisconsin après qu'elle ait raté son premier essai. Mais pourquoi elle se serait déguisée? Pour l'espionner, j'imagine peut-être l'aider, pour aider sa fille à passer le test, peut-être lui faire des signes, je sais pas. OK, elle suivait, genre? Ah ouais, l'espionnage. Quelqu'un qui travaille pour le gouvernement américain à l'Agence de la protection de l'environnement. C'est faux. Non, c'est vrai! Hein? Je te jure, elle a porté un faux nez et des lunettes de soleil pour aider sa fille à passer son test de conduite. Step a demandé à sa fille, Anna, de la présenter, elle, sa mère, avec son déguisement, lorsqu'elle s'est adressée à l'équipe pour la première fois le 11 janvier, après que le président Trump l'ait choisi. Hein? Mm-hmm. Non, l'ancien secrétaire du département des ressources naturelles du Wisconsin. Donc, c'est elle, la mère, pour être l'administratrice de la région 5 de l'EPA aux États-Unis. Bref, les gens de l'équipe étaient nerveux de la rencontrer parce qu'elle a quitté... Ouais, c'est ça, mais il y a une controverse par rapport à elle et le changement climatique. Là. Pas besoin de vous raconter toute l'histoire de ça. Là. Mais bref, Step a demandé à sa fille de la présenter pour essayer de la rendre un petit peu plus humaine, mm-hmm. selon le Tribune. Et pendant l'introduction, Anna Step a dit que sa mère portait un faux nez et des lunettes de soleil pour pouvoir suivre quelqu'un qui prenait le test de conduite du Wisconsin, un test pour avoir son permis finalement. Ouais. Elle a dit qu'elle avait raté son premier essai et que sa mère voulait apprendre la route que le test allait prendre pour l'aider à pratiquer pour son deuxième essai qu'elle a passé. Elle a dit au journal, en fait, que sa mère transporte toujours sur elle un faux nez. Ah bon, OK. Comme tout le monde. Ben oui, franchement, j'ai tout lancé dans ma sacoche. Ouais. Porte-parole de l'EPA n'a pas offert de commentaires et Anna Step n'a pas renvoyé les messages sur le boîte vocale, sur les courriels et sur les messages textes. Donc voilà, c'est bien vrai. C'est dans le New Jersey. Et c'est quelqu'un que Trump a choisi pour être dans le gouvernement. Ouais. Évidemment. Est-ce que c'est vrai que les gens en Suède doivent signer un formulaire de consentement avant d'avoir des relations sexuelles? Oh man, ça l'a passé quelque part. Ça peut-être, ben c'est ça le but, hein. Peut-être que ça passe dans les médias, mais est-ce que c'est une vraie nouvelle ou du fake news? Donc une loi qui s'en viendrait, qui donc force les gens de la Suède à transporter une petite carte, c'est un petit carton, sex consent c'est card. C'est comme te faire lire tes droits, genre. C'est exactement la même chose, pour éviter d'avoir des allégations de viol plus tard. En Suède? En Suède. Je veux dire que c'est faux. C'est effectivement faux. Yeah! Une chance, hein? Une chance. Donc, une série de harcèlements sexuels et autres problèmes d'inconduite sexuelle en 2017-2018, bien sûr. Donc, le post Facebook en janvier 2018 décrivait un changement proposé à la loi autour du viol et de la violence sexuelle en Suède. C'est la page Facebook de survivalistes Survive or Collapse. Donc, tu sais, les gens qui pensent que la fin du monde s'en vient, qui ont posté ça. Et la page poste toujours des trucs anti-musulmans, xénophobes, anti-libéraux et un paquet de trucs comme ça. Donc, la carte lisait, je cite, « Sex Consent Card », donc carte de consentement au sexe. « Je vais avoir des relations sexuelles volontairement. Je ne suis pas sous ni sous l'influence de drogue. J'ai au-dessus de 18 ans et je suis sans maladie. » Date, 2 points. Signature de l'homme, 2 points. Signature de la femme, 2 points, parce que là, évidemment... Ouais, les deux, il faut qu'ils soient hétérosexuels, hétéronormatifs. Ben oui. Et là, ça disait aux hommes de garder ça dans leur portefeuille avec un condom. Et avec cette carte-là, tu n'accepteras pas l'article 15, donc d'allégation de viol. Wow. Bref, tu donnes cette carte-là seulement à ton avocat et tu ne confesses pas à personne. Tu demandes un avocat immédiatement. Bref, tout ça, c'est faux. Ça dit, je vais juste vérifier l'endroit où ça a été, où c'est sorti en premier. Le texte est vraiment très très long, la carte était probablement supposée être une blague, voilà, en réponse à tous les scandales dans l'armée militaire. Donc quelqu'un a créé cette carte-là pour faire une blague. Wow. Quelle bonne idée. Ensuite, on parle de Dolly Parton. Ouais. Ta préf. Mm-hmm. Hein? Donc est-ce que c'est vrai que Dolly Parton a dit que Trump dans un an, en un an, dans sa première année, était meilleur que 16 ans de Bush et Obama rassemblés? Mm. Est-ce que c'est vrai qu'elle est... C'est faux, Dolly Parton n'a pas dit ça. T'as raison. C'est pas vrai, elle a pas J'ai dit ça. J'ai foi en Dolly. T'as foi en Dolly. Ah, que c'est beau. Donc, tout ça, ça vient... En fait, aucune... En fait, il y avait des rumeurs que c'était aussi Michelle Pfeiffer qui avait dit ça, mais c'est ça aucune des deux. Ça m'aurait autant surpris, ouais. C'est ça. Aucune des deux. En fait, c'est une opinion qui a été paraphrasée. Une opinion de Brett Decker, ancien journaliste, pas journaliste, rédacteur en chef du Wall Street Journal, et l'auteur du livre « Bowing to Beijing, How Barack Obama is Hastening America's Decline and Ushering a Century of Chinese Domination ». C'est lui qui aurait dit ça donc pendant une entrevue à la radio en janvier 2018, le 5 janvier. Et on l'a réattribué en paraphrasant à Dolly Parton. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Okay. Et une dernière pour avoir complété un groupe de 15. C'est pas pire, ça? Hein? C'est parfait. Est-ce que c'est vrai que Fox News a été banni en Australie et en Nouvelle-Zélande parce que ce serait de la propagande? C'est vrai! Non, c'est faux. Mais pourtant, c'est tellement vrai. Ça, ben, tu sais, on l'appelle pas Trump TV pour rien. Hein? Non, c'est ça. Donc, c'est une rumeur sur les réseaux sociaux qui disait que Fox News Channel, dont la programmation est souvent critiquée parce qu'ils sont très, très, très pro-Trump et très conservateurs, qui avait été donc banni en Australie et en Nouvelle-Zélande sous le terme propagande. C'est complètement faux. Il n'y a absolument aucune source pour corroborer ça. Et même que si on va sur les sites de différents fournisseurs de télé, on peut voir que Fox News est disponible. Donc, ouais. Il y a aussi des rumeurs par rapport au Royaume-Uni, par rapport à Fox News depuis 2017, où on disait que la personne qui s'occupe des réglementations des communications au Royaume-Uni, Ofcom, pas la personne, mais le regroupement, si on veut, avait déterminé que la programmation allait à l'encontre des règles d'impartialité du pays. Mais tout ça est aussi faux. Même si c'est vrai par contre que Fox News était hors onde au Royaume-Uni à ce moment-là, c'est parce que la compagnie parent 21st Century Fox avait décidé de cesser la diffusion étant donné le manque de téléspectateurs. C'est sûr que c'est de la politique très très très très américaine. Ouais. Donc les gens au Royaume-Uni sont peut-être pas nécessairement touchés par tout ce qui passe sur Fox News. Mais bref, en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est faux. Voilà, on a fait 15 nouvelles dans le bloc. Combien as-tu eu de points? J'ai la note de passage. OK, quand même. J'ai eu 60%. Ah, oh, t'as calculé le pourcentage? Ouais. Ça donne un point de plus? Non, c'est pas vrai. Yes! J'ai eu 9 sur 15. Ben, félicitations, 9 Merci. Sur 15. Ça, c'est bon. C'est mieux que les deux dernières semaines. Ça. Merci. Merci. On prend une pause et au retour, On se croise les doigts. Si tout va bien, un petit segment spécial. On annonce pas ce que c'est trop à l'avance parce que sinon on pourrait mentir. Exactement. On a parlé un petit peu tantôt. Puis on veut pas mentir, on n'est pas des fake news. On n'est pas des fake news. Donc restez là et une surprise peut-être vous attendra. Ouh là au retour. Là. Restez avec nous. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Aujourd'hui. Jouer plus souvent cette pièce-là. Hein? Ah, certainement. To the Moon and Back par Fever Ray. Je trouve ça bon. Vraiment bon. On la fait vraiment pas souvent jouer. Non, ça fait années 80, c'était teaser un petit peu. Oui, aussi, je te l'accorde, c'est vrai. Bref, Fever Ray, si ça vous tente d'aller entendre ça. Nous, on va le faire jouer une fois de temps en temps, dorénavant, je pense. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. C'est Tania Baudin. Et lui, c'est Mathieu Plante. Absolument. Et là, on a notre petit moment qu'on espérait avoir. Oui, on l'a. C'est assuré maintenant. Voilà.

ce que je fais. Mambou avec Poupez-vous doux, classique du palmarès francophone d'il y a quelques temps déjà. Et ça fitait super bien avec la pièce qu'on avait jouée avant, qui était, tu te rappelles? Oui, c'était Best of Intention de Spook School. Voilà. On prend une pause au retour, c'est une grosse pointe d'allresse. Oui, wow! Aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Aujourd'hui.

Roddy Ruckus avec Lake of Rage, assemblage requis. On était en plein une grosse pointe allresse. Et maintenant, ben, c'est le moment de parler de nouvelles du fast-food. Commençons par de la crème glacée à la vanille avec infusion de Cheetos. Arc. Ah, tu vois le... Ah! L'émotion a fait des montagnes russes. Donc, on a vu des macarons au Flamin' Hot Cheetos. On a vu des bagels. Et maintenant, il y a de la crème glacée. C'est chez Drilled Ice Cream à Fountain Valley, en Californie, qui a une crème glacée spéciale nommée Hot as Hell, chaude comme l'enfer, qui est un mélange de crème glacée à la vanille et de Hot Cheetos, avec quelques petits flocons de Hot Cheetos sur le dessus, un genre de saupoudrage, si on veut. Donc, oui, drôle de description. Si vous aimez les combinaisons de saveurs qui ne vont pas ensemble, genre, si t'aimes le sucré salé, peut-être que tu vas aimer le sucré piquant. Ouais. Il y en a qui aiment le chocolat au jalapenos, au piment fort, ça peut arriver. Donc, je sais pas, quelque chose de croustillant mélangé avec de la crème glacée, ça pourrait être bien aussi. Je sais pas, je l'essaierai, c'est sûr. Ah ouais? Ouais, j'essaierai tout, moi. J'essaierai tout. Je suis à l'est, tu me diras comment tu trouves ça. C'est Fire and Ice qui appelle un petit peu feu et glace ensemble. Ça a l'air bon visuellement, ça a l'air beau plus que d'autres choses. Je sais pas si les Cheetos qui sont insérés sur le dessus, les Cheetos sont comme... ils sortent comme des oreilles de diable, quelque chose du genre, ouais, sur le côté, ça fait bizarre un petit peu, mais les petits flocons de Cheetos, là, c'est quand même beau. Bref, ensuite, tiens, on a parlé d'alcool tantôt avec notre ami Éliane Gagnon, on devrait se demander peut-être, on devrait se poser la question, disait-on, est-ce qu'on a un problème d'alcool? Hein, donc c'est un outil en ligne qui permet de savoir si vous avez un problème d'alcool. Ah ouais? Si vous êtes quelqu'un qui boit fréquemment et que vous commencez à penser que peut-être qu'il y a un problème, des fois vous finissez la soirée en blackout, vous vous rappelez pas le lendemain de qu'est-ce que vous avez fait. Bon, donc on appelle ça le Alcohol Use Disorder. C'est un problème médical, comme Eliane nous l'a dit tantôt. Donc ça peut être sévère, ça peut être léger aussi, ça peut être de différentes façons. Mm-hmm. On dit qu'aux États-Unis, il y a environ 15 millions d'adultes qui ont des difficultés avec la boisson de façon problématique. Et le National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism a créé le Alcohol Treatment Navigator. Okay. Pour les gens qui veulent savoir s'ils ont besoin d'aller chercher de l'aide, le site offre un questionnaire pour les personnes qui pensent avoir un problème. Des questions comme est-ce que tu. Mais déjà, en partant, si tu te poses la question. Ben, c'est ça. C'est d'y répondre. C'est ça. Par exemple, une question légère comme est-ce que plus qu'une fois, tu t'es déjà demandé si tu devrais peut-être te calmer ou arrêter de boire ou que tu as essayé, mais tu n'as pas réussi à le faire? OK. Une question comme ça. Donc, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez aller voir ça. C'est sur assemblagerequis.com. Sinon, le lien direct pour ceux qui ne veulent pas prendre de notes, c'est alcoholtreatment.niaa.nih.gov. C'est pire qu'assemblagerequis.com. Ensuite, on parle de Zelda. On aime Zelda. Mm-hmm. Hein? Il y a une bière inspirée justement de Legend of Zelda. Ah, oh, ouais? Ouais. Donc, la Triforce IPA, c'est une création de la Second Shelf Beer Company basée à Atlanta, en Géorgie. C'est une bière houblonnée, rafraîchissante et douce à 6,1% qui va être proposée au bar de la brasserie et dans la région. Donc, la bière n'a pas grand-chose à voir avec The Legend of Zelda, à part pour le Triforce, le mot. Et c'est peut-être même, nous dit-on, une infraction. Hein? C'est peut-être illégal parce que Nintendo protège ses marques et son image. Le Triforce, c'est les trois petits triangles ensemble qui font un grand triangle. Mm-hmm. Bref, donc peut-être que les collectionneurs vont vouloir en avoir une canette ou peut-être juste en boire une. Si on y va avec modération, on l'a dit tantôt avec Eliane de Sober Lab. Oui. C'est correct aussi. C'est pour ça qu'on s'empêchera pas de parler de l'alcool en février. Quand ben non, là, wow minute, là, quand même. Justement, je les ai toutes placées ensemble, puis ça paraît. Disneyland va avoir sa première brasserie, si on veut. Si on veut. Donc, depuis que Disney s'est lancé en tant que parc d'amusement en 1955, la marque calme un petit peu son intolérance envers l'alcool. Il y a certains restaurants chez Disney World's Magic Kingdom qui ont commencé à vendre de l'alcool en 2012 et les breuvages pour adultes ont pris de l'expansion depuis. Et donc, on nous dit que San Diego, Ballast Point Brewing Company prévoit ouvrir une brasserie au centre-ville de Disney à la fin de 2018. Ça va mesurer 7300 pieds carrés avec une cuisine, une salle à goûter, donc un tasting room, ainsi qu'un jardin de bière extérieur. Et le menu va avoir des nourritures, des éléments basés sur la nourriture de bar, oui, pardon, inspirée sud de la Californie, comme des tacos au poisson et des bretzels faits maison. Et pour la sélection de breuvages, on va avoir le choix d'environ 100 bières en fût, dont la très célèbre Sculpin IPA de chez Ballast Point et certaines bières qui sont exclusives au centre-ville de Disney. Donc, ce ne sera pas la première place à servir de l'alcool au centre-ville de Disney. En fait, ce district de magasinage a déjà quelques bars, mais ce sera la première brasserie de cet endroit-là. Mon Dieu. Voilà. Et c'est ça. Ensuite de ça, allons-y avec Chicago qui a un nouveau pop-up bar inspiré de The Shining. OK. C'est le film avec Jack Nicholson. Ouais, c'est le film que tout le monde connaît. Là. En français, c'est L'enfant quelque chose. Ah ouais? Si je me rappelle bien, je vais juste aller voir pour être sûr. L'enfant lumière, voilà. Ah ben, Moses, je savais pas ça. J'avais jamais entendu ça jusqu'à il y a une semaine, j'avais jamais entendu ce titre. Ben, voyons donc. Hey, j'étais sûr que The Shining, ça avait pas eu de traduction. Genre The Shining version française? C'est ça, exactement. Mais non! Entre parenthèses, VF. T'es, non. That's it. Bref, ça s'appelle Red Rum. C'est le mot murder, mais à l'envers. OK. Il y a une émission aussi à la télé qui s'appelle Red Rum, qui montre un crime à l'envers. C'est vraiment bon comme émission si vous voulez chercher ça, Red Rum. Mais bref, c'est le nom de l'endroit. Et c'est le nom donc d'une boisson thématique aussi à l'intérieur de ce pop-up bar, donc un bar temporaire inspiré de The Shining. Ça s'appelle Room 237. C'est donc inspiré par Stephen King. Ça va être présent jusqu'au 10 février au Rookery Gastropub dans le village ukrainien de la ville, selon le Chicago Tribune. Leur étage du haut va être transformé en un hôtel hanté le samedi soir après 21h. Esquire nous dit que les gens là-bas vont pouvoir commander un cocktail comme le Red Rum. C'est du rhum, du jus de grenade et du citron. Et les Grady Twins, hein, comme les petites jumelles épeurantes dans le film, c'est une concoction basée sur le curaçao bleu et du gin. Oh, d'accord. Les acteurs vont être déguisés en personnages du film. Ils vont être présents, bien sûr, sur place. Ils vont échanger quelques paroles avec Lloyd, le bartender. On peut aussi simplement admirer le décor, savourer la musique et jouer à des jeux questionnaires inspirés de Stephen King. Ah! Intéressant! Mais mon Zeus! Aucun cover pour entrer dans le Room 237, mais ça va être premier arrivé, premier servi jusqu'au 10 février. Donc voilà. Ensuite, une rare banane du Japon qui vient avec une pelure qui est faite pour être mangée. Hein? Hein? OK, elle est créée, mettons? Créée pour pouvoir être mangée. En fait, okay, y en a qu'elle pousse pas. Et on va lire l'article. Ok, ok, ok. Mais il me semble que les gens mangent des pleurs de bananes dans la vraie vie. J'espère pas, c'est vraiment dégueulasse. Ça goûte genre pas amer ou salé. Ben oui, c'est super amer, ouais. Puis c'est vraiment abrasif pour ton estomac. Ah oui, pour vrai. Bref, c'est une grande source de gaspillage, nous dit-on, les pleurs de bananes, en plus de l'effort que ça prend pour les peler, bien sûr. Et ça fait que tout le monde tombe depuis les années 30 là, dans les gags slapstick au cinéma. Ben oui, ben oui, ben oui, clairement. Charlie Chaplin, sûrement, bref. Non. Bref, Sora News 24 nous dit que la Mangy Banana de chez D&T Farm a une peau assez tendre pour pouvoir la mordre et la manger. Donc, c'est une compagnie japonaise qui fait pousser ce fruit spécial dans la préfecture d'Okayama. Et à la place de cultiver ça dans un climat tropical, comme on le fait d'habitude avec la banane, D&T Farm fait congeler leurs bananes à moins 76 degrés Fahrenheit. Les arbres gelés sont ensuite dégelés et plantés, ce qui permet donc de pousser plus rapidement. C'est un processus qui réveille donc un mécanisme de survie ancien des arbres de bananes qui les faisait survivre à l'époque de l'ère de glace. Ah! Et non seulement ce que ça permet aux fermiers de faire pousser les bananes plus vite dans des climats plus froids, mais ça fait aussi une peau de banane qui est plus douce et plus molle. Et plus mince aussi. Donc un petit peu tout de ça. Les bananes Mangy, donc, qui ont une odeur un petit peu plus puissante, elles sont plus collantes aussi que les bananes habituelles grâce à leur plus haut contenu en sucre. Pour en manger une, il faut attendre que les points bruns commencent à apparaître sur la peau, ce qui indique qu'elle est mûre. Selon les goûteurs chez Sora News 24, la peau du fruit, l'intérieur du fruit, c'est ça? Ouais. Pas l'extérieur, l'intérieur. Ouais. Du fruit a un goût tropical similaire aux ananas. Alors que la pelure elle-même n'a pas vraiment de saveur et est très facile à mâcher. Selon D&T Farm, les gens qui consomment la pelure reçoivent un bonus de vitamine B6 et de magnésium. Ah! Ouais. Les fruits sont seulement disponibles à un seul magasin au Japon. Et même si vous êtes capable de vous y rendre, une des 10 bananes qui vont arriver à la boutique chaque semaine, c'est environ 5,75 $ US la banane. Sinon, ben, vous pouvez continuer de manger des bananes normales sans la pleure, puis ça va faire la même affaire. Ouais, s'il vous plaît, faites ça, s'il vous plaît. Prenez des suppléments, on peut de quelque chose, je sais pas. Qu'est-ce qui fait que les Pop Rocks pop? Hey, c'est une bonne question, ça. Tu sais, les Pop Rocks, ça, c'est des petits bonbons que tu mets dans ta bouche, ça fait pop, pop, pop, pop, pop. Ouais, je sais ce que c'est. Ah ben, je le disais aux gens. Ok. Donc, manger, je sais pas. Je veux mettre du contexte. Des fois, je me fais mal comprendre. Mais non. Donc, William A. Mitchell, qui a ajouté une autre étape au processus de manger un bonbon, c'est-à-dire mordre dedans et puis manger. Hein, c'est pas mal juste ça. Lui, c'est un chimiste, il a ajouté une petite étape de plus, c'est les Pop Rocks. Lorsque le bonbon arrive dans ta bouche, ben, ça agit avant de se défaire. Ça crée un petit craquement, un petit hissement, un petit bruit qui serait alarmant si ça venait d'une autre nourriture. Mais comme on est habitué, c'est correct. Mais qu'est-ce qui se passe quand on mange une Pop Rock? Ben voilà, la réponse vient du dioxyde de carbone. Ah? C'est le même gaz qu'on retrouve dans les boissons gazeuses, dans certaines dans la bière, dans les champagnes aussi. C'est ce qui leur donne leur effervescence. Mais c'était pas un ingrédient commun avant les nourritures solides. À la fin des années 50, le chimiste que j'ai mentionné tantôt, Monsieur Mitchell, se demandait si c'était possible de créer une tablette, donc une pastille, une pilule de boisson gazeuse instantanée. Donc en mettant du CO2 dans le bonbon. Tu comprends? Okay. Pour pouvoir lancer la pilule dans un verre et créer de la liqueur, j'imagine. Donc une instant soda tablet qu'il appelle. Son idée n'a pas vraiment fonctionné, mais les expériences ont mené à la base du pop rock. Contrairement, de façon similaire aux autres bonbons, les pop rocks sont fabriqués en mélangeant du sucre, du lactose, du sirop de maïs et des saveurs. Une fois que ces ingrédients-là sont fondus ensemble et bouillis, on ajoute du CO2 à haute pression. Et lorsque le mélange durcit, ça emmagasine les bulles de gaz. Ça fait une pression de 600 livres par pouce carré, donc ce qu'on appelle les PSI. En passant, la pression à l'intérieur d'une bouteille de champagne est de seulement 90 PSI. Et dans les Pop Rocks, ça monte à 600 PSI. Oh. Donc, c'est impossible de détecter la composante spéciale des Pop Rocks avant de les goûter. Et ensuite, les choses se passent dans votre bouche parce que la salive va faire dissoudre le sucre. Et les pochettes d'air vont commencer à éclater comme des petits feux d'artifice sur votre langue. Le dioxyde de carbone à 600 PSI va faire collision avec la pression de l'atmosphère qui, elle, est à 15 PSI. Ce qui va faire le craquement que tu peux ressentir et entendre. C'est pour ça que les Pop Rocks font beaucoup de bruit. Quand on les mange à côté de quelqu'un, la personne va le remarquer à côté, ouais. C'est certain. Et si vous pensez que toute cette pression-là va faire un dommage dans votre corps, ben non, vous pouvez vous calmer. Hein. Contrairement à l'hystérie que les enfants et les parents peuvent vivre avec des Pop Rocks, il n'y a pas eu de cas de mort avec ça. Ben j'espère bien. Pas de mort grâce aux Pop Rocks. Contrairement au Kinder Surprise. Contrairement au Kinder Surprise où les gens se sont étouffés avec ça qu'on peut pas en acheter aux États-Unis. C'est un très, très bon point. Ensuite, les magasins du futur, les restaurants du futur chez Dunkin' Donuts vont avoir un service à l'auto exclusivement pour les commandes mobiles. Ah? Ouais, donc ils ont ouvert le restaurant du futur, un concept nouvelle génération à Quincy, dans le MA, c'est Maine ou Massachusetts, on sait jamais, ils sont tellement confuses leurs ouais, lettres. Ouais, je ne pourrais... Bref, là, je veux dire le Maine. OK, bonne idée. Mais peut-être pas. Peut-être. Fiez-vous pas là-dessus. Bref, selon les nouvelles caractéristiques de la boutique, c'est un service à l'auto seulement pour les téléphones cellulaires. Donc, comment ça fonctionne? Ben, c'est une voie séparée. Donc, vraiment, on gaspille une place dans le stationnement juste pour les commandes mobiles chez Dunkin'. C'est pour les gens qui ont une carte Didi Perks qui leur permet de commander à l'avance et de sauter complètement par-dessus l'attente. Et ensuite, on va venir, et c'est ce qui est original quand même, il y a deux entrées. Sauf qu'à la fin, tu finis par fusionner dans l'autre. Donc, une fois que tu as passé ta commande avant tout le monde, tu vas devoir prendre la file pour te rendre jusqu'à ta commande en tant que telle. Donc, tu sautes l'étape de commander, mais tu vas fusionner dans la même voie que les gens qui ont commandé par après. Ouais. Hein? Donc, la deuxième voie est faite pour accélérer le processus quand même un peu et encourager les commandes mobiles sur l'application de Dunkin' Donuts. Il y a d'autres trucs aussi qui sont vraiment intéressants. Du café en fût et du thé en fût. Similaire aux bières en fût, mais pour le café, le thé. Ah, c'est le fun, ça? Ben oui, mais ça. C'est merveilleux, même. Un kiosque de commandes numériques, donc un peu comme chez McDonald's. Une place dans le restaurant qui est dédiée aussi aux commandes mobiles. T'as le nom Dunkin' affiché partout à la place d'avoir Dunkin' Donuts. On essaie de moderniser un petit peu le logo. C'est donc un restaurant 2200 pieds carrés. C'est au 588 Washington Street à Quincy. C'est le premier de 30 environ nouveaux Dunkin' Donuts remodelés qui vont ouvrir avec un nouveau design cette année en 2018. Ensuite, rapidement, Arby's sert de la poutine maintenant au Canada. La chaîne Arby's a des frites assaisonnées et en tire-bouchon qui sont maintenant disponibles en poutine, mais pour un temps limité. Donc, le plat québécois, mais on dit dans l'article canadien, comme toujours, met en vedette. Donc, ces frites torsadées avec de la sauce chaude et des morceaux de fromage. Donc, c'est pour faire compétition, évidemment, aux poutines chez McDonald's, Burger King et PFK qui offrent leur version de la poutine, mais pas sur des frites tire-bouchonnées. Menou. Et on va en faire un dernier. De l'eau, mais version boisson énergisante. On essaie en fait de copier le principe des boissons énergisantes dans le marketing pour créer un buzz. Ouais. C'est de l'eau qui s'appelle Liquid Death. Liquid Death, hey, c'est super énergisant ça là. C'est donc de l'eau de source à 100%, mais ça dit bone... de l'eau pure. Ouais, ça dit bone chilling, donc à s'en refroidir les os. Hein? Donc c'est une marque d'eau qui s'appelle Liquid Death. C'est fait pour l'époque dans laquelle on vit où on essaie d'attirer les jeunes avec un langage de marque. pourrait les atteindre un petit peu plus tout en faisant la promotion de produits qui sont meilleurs pour la santé et donner plus de valeur aux produits. Donc, c'est Mike Cesario qui est le créatif d'une agence qui s'appelle West Coast, qui a créé Liquid Death l'an dernier comme projet à côté de sa vraie job, donc son side project. Lui et ses partenaires ont essayé de faire un Indiegogo, ça n'a pas fonctionné, donc à la place, ils sont allés sur Facebook pour mettre une vidéo drôle en ligne qui montre comment l'eau est le breuvage le plus extrême et dangereux sur Terre, avec des photos du produit pour essayer de créer un buzz. En moins de 2 mois, avec seulement 600$ de publicité, la vidéo a créé 1,2 million de visionnements sur Facebook et ça a écrapouti les autres marques comme Monster, Red Bull et toutes les autres compagnies d'eau en bouteille en termes de visionnement et d'engagement de la part des fans. La marque a commencé à prendre des précommandes sur drinkliquiddeath.com et voilà, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Liquid Death, l'inspiration et l'entrevue est disponible sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1196. Voilà. Eh boy, hein? Voilà. C'est tout pour une grosse pointe adresse ainsi que pour l'émission d'aujourd'hui. Qu'on a eu du plaisir. On a eu beaucoup de plaisir. Quand même une grosse émission qu'on a animée seulement à deux. Oui, seulement à deux. Mais merci à Yann Gagnon. Oui, tout à fait. De Sobelab.ca. Oui, Sobelab.ca. Il va être toujours sans alcool. On vous lance les défis. On l'a dit, on peut rejoindre la team Sobelab. Ah, oui. Vous pouvez faire directement sur le site du 28 jours. On va lui reparler à cette Yann Gagnon. On n'a pas le choix. C'est enregistré. On a fait des promesses en ondes. Nouvelle. Belle collaboratrice de service. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On la regarde à la TV aussi, on a oublié de le dire tantôt. Week-end, comme toujours, sur nos ondes. Ne manquez pas, surtout, l'émission de Marc-Olivier Dumas qui s'appelle Patriote en action. Ça commence à midi. Ensuite, la rediffusion du Mathieu Plante Show. Oui. En rappel. Avec Mathieu Plante. Ah, c'est moi ça. À 13h. Okay, ouais. Je sais pas certain. La rediffusion du Prétexte avec Maxime Tanguay à partir de 16h. La sortie de secours est à votre gauche. Sera en direct avec Sébastien Evgartin et Lucas Hubert à partir de 18h. Et finalement, à 19h, Très Blues Assez Fou avec Denis Baudin et son équipe. Exactement. Voilà. Hey, grosse journée sur nos ondes. Pas pire, hein? Il en faut des mêmes, il y en a deux. Ouais. Ils sont remplis, je pense. Mais ils sont bien remplis. Voilà. Vous avez du contenu aujourd'hui. Restez là. Yes! Merci, Tania. Hey, bon café, tout le monde. À demain! Bye! Bye bye! Bye.